qui lave mon corps et que de mes actes on se souvienne. Chérie, tu mets le voile, voilà qu'on met les voiles. Mais moi j'suis pas une resta, si jamais tu veux suivre les étoiles. J'me mets jamais sur un pédestal, pourtant le produit est phénoménal. J'souris toujours mais le cœur a mal, jamais rassasié, j'ai toujours la dalle. J'veux pas rester pour faire la fiesta, poto. Moi j'veux rentrer chez moi, moi j'veux rentrer chez moi. Bon du Nord, c'est mon doual, c'est chez moi. J'veux me les faire là chez moi. Bang bang, j'suis même pas à la tienne moi. Bang bang, jamais le 13ème mois. Vous voulez plus ton loup, rappelez-moi. Amdoulé, j'suis fier de moi. Tout le 9-3 est fier. L'artiste est dans les bases, phénoménaux. T'inquiète, j'suis sûr de moi. L'artiste babe. C'est la Nocturne, et au contrôle de la Nocturne, il y a Cynic ce soir avec l'artiste sur le label 609 hein, qu'on écoutait à l'instant. C'est la famille. C'est la famille, c'est l'artiste et son album Phénoménaux aussi. Yes, il est sorti le 30 mars, donc voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir, c'est super lourd, on va vous faire encore un ou deux morceaux tout à l'heure. Bon, il y a des sons en tout cas ce soir, il y a des nouveautés à découvrir. Ouais. On retournera sur ton album aussi qui sera dans les bacs dès lundi. Yes. Cynic au contrôle, on rappelle aussi que pour te suivre, il y a le Cynic officiel, hein, n'hésitez pas à les cliquer. Cynic officiel, ouais, sur Facebook, sur Twitter et Cynic-du-bas officiel sur Instagram, sinon la chaîne YouTube, voilà, vous savez où nous suivre. Et bah c'est parti, on continue. Vas-y, Joy. On continue, hein, frère, on est là. DJ Joy aux manettes. Eh, hey, ça c'est une exclu. Exclusive. Grosse dédicace au poteau. L-E-C-K. On fuck tes coups nouveaux. Avec 15 pif, chacun trouve son inspi. Le check c'est mort, je le réanime sans répit. Je fais partie de ces rebeux qui t'allument sans tiépi. Je laisse pousser les cheveux à la Valderrama. Tu jettes les culs, tu vois que nos pas des ramasses. J'ai enrayé l'âme de la triomphe en masse. On est plus des gamins, je veux des palmiers et un tapis dans mon panorama. Laisse-les, comme Nelson et surtout calé. Elle le sait quand le moteur rap comme les gosses. Pas moyen calé. J'avoue c'est relou, mes refrains sont des tags. Les 3K sont des thèbes. La Cafri Mafia fait le boulot. Je remettrai le 9-4 au top. Allez, pas. Nouvelle époque, finie de galérer en bas de la tête. Génération, rien pour la maman, tout dans la caisse. Tu ta chicha traîne dans les télos, fantasses. À l'arrivée, on se retrouve 9-4 Vitry. Tête à tête, voilà, il est personne doit séparer. Ravitaille le checker quand les coffres se sont barrés. Cherche pas mon CV, il tient sur une faille en CP. Et on milite, tous condamnés. Au jugement dernier, la décision sera salée. Un peu comme Vilgo, on est dans ce gars. Nous on danse pas, non on danse pas. À part comme Mohamed Ali à Kinshasa. Je rentre dans ta chicha, musique Dark Vador. Je vois bien que tes potes sont pas d'accord. Mon chétan tu shot, faut être attaque. Si elle est pas très belle, y'aura pas de rapport. Elles connaissent le pédigré, le rebeu, il est dénigré. Souvent il est jugé à tort. Je fais jouer l'ignorance, je me lâche, y'aurait sûrement des dingueries préméditées hardcore. Je me mets à rapper, ils disent Olbata. Regarde, je chante Olbata. Les dernières Azix, toujours Olbata. Pour me hagar, faut se lever tôt le matin. Motherfuck. Elle le sait tout nouveau. Pour soutenir la famille 9-4 Vitry. Cécile Poto. Dans les télos fantasses. À l'arrivée on se retrouve tous dans la même pièce. Tête à tête, voilà et belaille, personne doit séparer. Ravitaille le checker quand les cops se sont barrés. Cherche pas mon CV, il tient sur une faille au CP. Et on milite, tous condamnés. Au jugement dernier, la distance sera salée. Versace, Versace, Versace, non. Du bisap, du couscous, du mafé, yeah. Le foyer, les clopes à l'unité. Des enfoirés de crevards qui continuent de piper, yeah. Ma putain de perdage, je l'ai limpé. Le PSG reçoit, je mets tapis sur le ticket, yeah. Mundibou, le nar, le souraché. Famille Bekono, ça défaut de courir. Vitry sur le dos, ça a vie. Des terres comme Samira, ouverture à vide. L'honneur de la MIFA, ça n'a pas de prix. Je l'ai Astrid, qui s'est dit que si je rappais c'était Olbata. Faire du vieux trap Olbata. Les dernières eggs pour madame. Un chèque et un egg pour maman. Let's go, maman. Yeah. Nouvelle époque, finie de galérer en bas de la tête. Génération, rien pour la maman, tout dans la caisse. C'est ça. Tu me t'as chicha, traîne dans les télos fantasses. À l'arrivée, on se retrouve tous dans la même pièce. Tête à tête, voilà, et belaille, personne doit séparer. Le checker quand les cops se sont barrés. Cherche pas mon CV, il tient sur une faille en CP. Et on milite pour se condamner. Au jugement dernier, la distance sera salée. Exclusive. 940 district. Ça vient des Ulysses. Le Jack, Montana, Zulu, Djibril Niabo, Mira. heures du mat. La porte chez Watt éclate. J'ai pas la tête à ça et le regard rouge écarlate. En ce moment je vois rouge, je vois que des tombes autour de moi. L'atmosphère plus la mort. Quand je rappe, chanté par le spectre de Belphégor. Les Ulysses 91. Je suis un bad boy, pas un cowboy, motherfucking zoo. C'est pas le western dans le 9-1, c'est le old school. Plus la cagoule pour les sous. Un crime est prévu ce soir. Tu bois des lits, tu noies ton désespoir. Même en enfer, on se retrouvera. T'aimes la lumière, je te jette dans un trou noir. Mon acolyte, toujours sous weed et sous cibine. Dealer team et pour les baisses, on est à l'on fait les sous, même en temps de crise. Prêt de vivre la pure adulte. Les fils du feu sont de sortie. Obstacle la mort et en souris. Ma mort ensuite c'est la belle vie. Le projet s'appelle Instable. Ça vient des Ulysses. Le cagnata tous mes ennemis. Les clips arrivent bientôt, 940 districts. Nous sommes éloignés du paradis. Accolade amicale, l'équipe péale. Continue de faire le 50, tu te manges la dixième balle. Nique la France, nique la capitale. On va brûler Marine et ses partisans dans la cathédrale. Appauvri, les hommes se sapent comme Lady Gaga. On essaie de faire des sous, laisse-les faire la Java. Marquage à la culotte, comme Carvajal. Voyou de studio, bodyguard carnaval. L'enfer veut me recruter, j'suis beaucoup trop proche du mal. La folla y'a rabisque que j'fais dans mon plumard. Je rouge comme Liverpool, Yacine et bien sûr Anas. On vous baisse tous, tu l'as dans le cul, blessure anal. Rêve de vivre à la pyramide. Les fils du feu sont de sortie. Les clips arrivent, spécial pour Ridley. La mort ensuite c'est la belle vie. Prêt de vivre la pyramide. Je t'agnata tous mes ennemis. Petit et sombre comme Papiti. Je vous emmène loin du paradis. Carbure à la piste du diable, mais son sang en enfer. Rayon se mélange pas, partage pas nos affaires. Bousiller du faussaire, j'ai pris le sens contraire. La seule chose qui ne regrette rien, bien sûr c'est le faire. Dans le véhicule, y'a un peu des gros joujoux. Rien ne sert de jouer les gros bras, les voyous. Groupie, je te préfère en robe avec des bijoux. Je représente Pepper, Renoir et Babou. On t'éteindra après t'avoir allumé. T'embrasseras l'acier du canon scié. 5 ans, je laisse mes empreintes pour t'enterrer. J'aime tout ce qui est semblant et j'suis rancunier. Immortel 2. Ça sort lundi, l'album il est en préco sur iTunes. Je veux mourir pardonné, comme une faute avouée. Mais manque de peau, j'ai la peau tatouée. Est-ce que le ciel oubliera? Est-ce que la foi peut suffire? Est-ce que la porte s'ouvrira? Impulsif, souvent mal réveillé. On me demandera ce que j'ai fait de bien, il faudra pas bégayer. Si la misère me concerne, ce que je donne pour l'Afrique, à part des tonnes de concerts. Mes affaires sont prospères, idolâtrées, mais qui suis-je pour qu'on m'affiche en poster? J'aurais moins peur du coup près. Je retenais mes prières au lieu d'apprendre mes couplets, frère. Et toutes les cités de France, pour la team au fond cynique. Me connaissent. J'ai fait des bas-fonds, mon fond de commerce. Si Yannick Kalash, pas craindre les flammes, se sentir impliqué. Déjà qu'on pleure avec un simple briquet. Souvent je ne pense qu'à ma poire. Je vais les payer tous ces t-shirts à ma gloire. Peur du jugement suprême, les flammes de l'enfer. Ce genre de peine impossible au tribunal de Nanterre. Au paradis, ça sent le musc. J'étais prévenu, mais la vraie force, elle est dans le crâne, pas dans le muscle. La prière t'enrichit, on est les seuls décideurs. Faut pas qu'on monte avec un compte débiteur. Mes attitudes, mon métier, mes habitudes, mon train de vie. J'ai oublié qu'on m'épiait. De la haine en musique, y'avait mieux à prêcher. C'est pas au rayon savon qu'on peut laver ses péchés. Dieu du rap énervé, le paradis c'est pas une boîte sur les champs, y'a pas de table réservée. Dans une course au dollar, entouré de plein de filles. Génération McDonald's, impardonnable train de vie. Tellement d'erreurs de parcours, des belles rebeux, des célibats à la bœuf.

Le ventre noué, pas d'inquiétude en cas de pépin. Oui, j'ai confectionné ma bouée, comme beaucoup de jeunes africains. J'ai pas de taf même si je suis doué, obligé d'aller chercher mon pain. Pardon mon Dieu si je dois échouer. Je repense à Gaza, à papa, maman. Dîner en famille, devant la télé. Claquette Kappa, ballon Mikasa. Et tout d'un coup, je me prends pour Pelé. Lampedusa, Lampedusa. Lampedusa, Lampedusa. Je vous parle de ces corps qui jaillissent et que la mer a rejetés. Ceux qui ont failli reviennent en larmes et menottés. Pourquoi j'ai pas les mêmes chances? La vie m'a pas fait de cadeau. L'Italie ou la France? L'album s'appelle Phénomène. Lampedusa, Lampedusa, Lampedusa, vie choisit le destin. La terre entière est ma maison. Je vais pas me contenter du festin. À la fin je prends même ton blouson. Pourquoi vouloir oppresser les miens? Vos cœurs sont froids comme vos saisons. Chacun veut protéger les siens en oubliant Lampedusa. Lampedusa, Lampedusa, ce n'est pas le nom d'une combinaison. Lampedusa, Lampedusa, tu vis ta vie sans même avoir de raison. Lampedusa, Lampedusa. Corps qui jaillissent et que la mer a rejeté. Ceux qui ont failli reviennent en larmes et menottés. Pourquoi j'ai pas les mêmes chances? La vie m'a pas fait de cadeau. L'Italie ou la France? Je m'en fous, je vais l'Eldorado. Ça, ça vient de chez moi, 609. 93, Bondy. 91, les Ulysses, 92, Anthony. DJ Joy. DJ Joy. Okay. On est gentil, mais faut pas pousser. Pour arrêter de tousser. Un peu nerveux, un peu émoussé. Ce soir j'ai une forte envie de mousser. Dès qu'on arrive un changement climatique, ma clique et moi on est vraiment magique. Dès qu'elle nous voit, Tago réplique. C'est automatique, c'est la vie d'artiste, village à cousine. Penses-tu que c'est factice? Demande à ta cousine. Tu parles de moi, ça c'est la jalousie. Chacune de mes rimes est à coup de fusil. Vers ta gueule, oh, laisse-moi faire que toutes tes gars se mettent à terre. Je peux mettre un terme à tout gros blabla. Je vais tous les baisers sans Viagra. Mais ta pote parle, ça devient grave. Obligé de faire la hagra. Les costauds parlent, c'est pas grave. On a les trucs qui font bla bla bla. On est gentil, mais faut pas pousser. Je fume pour arrêter de tousser. Un peu nerveux, un peu émoussé. Ce soir j'ai une forte envie de mousser. T'as braqué un convoi, ma vie. Tu touches que de la peufra, ma vie. Tu gères les petites chez toi, ma vie. Tu tiens pas deux secondes là où j'habite. Victime sous-estime, tu meurs dans le film. Je traîne avec espèces rarissimes. Les poucaves, les poucaves, les poucaves, les poucaves. Ils font des appels anonymes. On est gentil mais faut pas pousser. Tu me connais pas, faut pas me toucher. T'as une paire d'as, faut pas te coucher. Tu me regardes mal, faut pas loucher. Bang bang bang, tu connais ma gimmick. Les authentiques et ceux qui imitent. Je dis pas qu'ils sont nuls, loin de là. Mais bon, moi j'ai aucune limite. 93, je porte le flambeau. Je porte le flambeau. Que des soldats équipés comme Rambo. Équipés comme Rambo. Je mange le couscous avec sauce gumbo. Je suis le rebelle plus qui toco. C'est pour tous mes arbitres, tous mes mangos. Pour tous mes guerres pétés au porto. On est gentil, mais faut pas pousser. Je fume pour arrêter de tousser. Un peu nerveux, un peu émoussé. Ce soir, j'ai une forte envie de sans pas ta force comme dans Highlander. 93. On fait pas la guerre avec Team Twitter. 93. Les gars me kiffent comme Justin Bieber. Purple, purple money. Pourtant je ne traîne qu'avec des casseurs. Purple, purple money. Je n'ai plus l'âge de me chiffonner. Je te laisse derrière, je te rionnais. Ma carrière a pistolé. C'est ta grand-mère qui pistonnait. Je reviens de loin, ma chérie. Il me faut le repos du guerrier. Grosse cul, elle a picolé. Tête de lit, capitonné. Marocchino, je porte le flambeau. Je porte le flambeau. Je suis partout chez moi, je connais que des numbos. Je connais que des numbos. Salam à la paille, Adomira, Estras, Colmar, Lille, Roubaix, Cartier, Nantes, PX, Lyon. Ils diront tous qu'il faut pas pousser. On est gentil, mais faut pas pousser. Je fume pour arrêter de tousser. Phénoméno. L'album est dans les bacs. L'artiste, baby. Ce soir, j'ai une forte envie de mousser. On est gentil, mais faut pas pousser. Je fume pour arrêter de tousser. Exclusive, exclusive. Ça sort lundi, Mortel 2. Pour pousser. Je comprends ceux qui prennent de l'herbe pour la cause, car la vie c'est molletonnelle. Elle est rose ou pleine de merde. Pas méchant, je rêvais d'un monde à mon goût. Mais si je tire comme Oscar, je prendrai mes jambes à mon cou. J'affronte la vie comme un deuil. Je fais des demi-cauchemars parce que je ne dors que d'un œil. Au cœur d'un monde qui fait peur, je vois les sœurs qui portent plainte. Les violeurs partent au taf aux heures de pointe. pas dans un rôle de cinoche. La vie c'est fort, mon déo, beaucoup trop longue et si moche. Entouré de profiteurs, homicide ou crime d'honneur. Auditeur, bienvenue dans mon film d'horreur. Dans ma tête, je les emmène. La gamberge, mes amis, mes ennemis, mes amours, mes emmerdes. Une partie de Blackjack. Dédicace à mon 609, Karim, Nabil. Je suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. Je suis dans des bails de malade. On est là depuis 15 ans. Je vais tous les braquer. Je suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. Je faisais du son, t'étais même fané, bâtard. Solitaire et traqué. 91, les Ulysses. De faire semblant. Tous les jours les portes se ferment, forcenées, recouvertes de porcelaine. S'il fallait tirer un trait à chaque fois qu'un pote part, je deviendrais dessinateur de code barre. Comprenez ma prudence, la police, les prud'hommes. Faut que j'aille voir ailleurs si l'herbe est plus bonne. Mon pilon, ma piscine, pour décor la Corée. Je me fais des visions d'horreur dans ma prison dorée. Convaincu que personne m'aime, je mène la vie à Poutine. Le regard noir, toujours en guerre, la routine. Balafré, sourire jeune. Dédicace à Idriss, détarteré. Garçon, pour nous ça veut juste dire mourir jeune. Une odeur de roussi, alors je plane. Tellement de blême dans ma tête, je mange à planète soucis. Juste un frère à Boutner, en roue libre, Kalachnikov sur le dos, venu pour faire un bourri. À deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. Le Mardel. J'vais tous les braquer. J'suis au bout de ma life. À deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. Solitaire et traqué. À part mes cicatrices, je ne regrette rien. Boom, flingue, avocat, stop la vie d'Aloca. J'ai fait du sale et j'ai fait du bien. Grosse lasse de Star Wars, rendez-vous au parloir. Ils veulent trinquer à l'honneur de ma fin. Ok, ok, tout ça on verra bien. J'ai pris des coups, j'ai pas lâché le terrain. Bang, bang, bang, bang. L'artiste est l'assassin. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. J'vais tous les braquer. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. La Nocturne avec Cynique au contrôle et toujours l'artiste aussi présent sur l'album. On lui a fait une petite session là. Ouais. Petite session l'artiste avec à la fin au bout de ma live. Lampedusa. Mortel 2. Ouais, il y avait Lampedusa et Pas Poussé. Ouais, qu'on pouvait écouter à l'instant et qu'on trouve aussi dans les bacs pour Phénoménaux. C'est ça, c'est déjà dans les bacs et le mien il arrive lundi. Lundi, ça y est, c'est fait là. Après le week-end, ouais, bim. On n'a plus qu'à attendre là. On sort d'ici, c'est bon là. On passe un bon week-end et on attend tranquille. Et on peut le précommander dès maintenant, donc allez-y. Yes. Allez cliquer pour récupérer avant dimanche deux titres en plus. Donc, ouais, faut le préciser, ouais, faut préciser. Faut aussi dire qu'il sera à 10 euros en magasin, c'est important, les finances. Donc voilà, le Scud il sort à 10 balles. Ouais, ça c'est un point qui est important, c'est vrai que surtout en ce moment. Ah bah ouais, aujourd'hui, voilà, on en a parlé aussi un petit peu cette semaine, hein, faut se mettre à la page. Donc voilà, 10 euros pour un CD, 14 morceaux, 14 frappes atomiques, franchement je pense que c'est correct. Ça fait même pas 1 euro le morceau. Ouais, voilà, on peut pas faire mieux. Le compte est bon. Voilà, là, en dessous, c'est bon, on peut plus. Après tu peux plus. C'est la Nocturne et c'est Cynique au contrôle de la Nocturne encore pendant une grosse vingtaine de minutes, hein, facile. Ouais. On est reparti pour une nouvelle session. Vas-y, on va enchaîner. DJ Joy est au contrôle aux platines. DJ Joy. 940 District. Les Ulysses. Exclusive. Exclusive. Exclusive. Le projet s'appelle Instable. Les clips arrivent, allez soutenir. 940 districts. Rah! Négro, c'est art quand je m'en bats les couilles. Suffit d'une baffe pour chauffer leurs joues. T'arrêtes les poils longs pour te pas les douilles. C'est pour les rayons car place aux écrous. Partout, c'est art quand je m'en bats les couilles. Père qui se vénère, j'en veux pas ta fouille. Suffit d'un coup pour que tu disparaisses. Jamais pour cave, même avec le stress. Berger, je l'aime toujours dans le move. Casa western, drapeau couleur rouge blue. J'étais parti pour mettre dans les virages, je les double. Je les baisse, négro, je les baisse, négro. Je suis leur fléau, j'aime quand tout est double. 940 districts, bien sûr que t'approuves. Dans ce putain de beurre, on ramène que du news. Et je prends la caisse, négro, je prends la caisse, négro. Si tu veux de la frappe, appelle sur mon bigot. Call me. Parano, paro, je me méfie des nouveaux numéros. Le rap, j'en fais une part tous d'obèses. Ils seront tous kéchos. J'ai trop la flemme de baiser, je te rentre mon bras va pour Naro. C'est art quand je m'en bats les couilles. Suffit d'une baffe pour chauffer leurs joues. T'arrêtes les poils longs pour te pas les douilles. C'est pour les rayons car place aux écrous. Ça vient des Ulysses 91. Qui se vénère, j'en veux pas ta fouille. avec le stress. Kick de BR dans mon coffre coffret. J'aime la Sherma sur mes buts tatoués. Toi et ton équipe, on va vous rentrer. Y'a pas qu'une balle dans le barillet. Dans le turbo S, c'est retour de slam. Je rafale Hitler, je rafale Van Damme. Je me fais contrôler tous les samedis soirs. Je suis ton beau-père, ta mère la cougar. Ça fait papa, rafale de punchline. R.I.D. au mic qui te glisse la vodka. Quand mon verre est vide, remets de la vodka. Toujours parfumé à l'amnésia, bâtard. Babtou, Renoir, Flo, Tismé, du gang Rouskov. AK, chargé, plus de coco, plus de pédo. Te déplace pas, le produit va être livré. Que je m'en bats les couilles. Suffit d'une paf pour chauffer leurs joues. T'arrêtes les poids lourds pour te poil les douilles. C'est pour les rayons car place aux écrous. Partout c'est hard, toi je m'en bats les couilles. Père qui se vénère, j'en veux pas ta fouille. Suffit d'un coup pour que tu disparaisses. Jamais pour cave, même avec le stress. Négro c'est hard, que je m'en bats les couilles. Suffit d'une paf pour chauffer leurs joues. T'arrêtes les poids lourds pour te poil les douilles. C'est pour les rayons car place aux écrous. Partout c'est hard, toi je m'en bats les couilles. Père qui se vénère, j'en veux pas ta fouille. Suffit d'un coup pour que tu disparaisses. Jamais pour cave, même avec le stress. Exclusive, exclusive, exclusive. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Que j'avais de la maille grâce à un max de royalties. Que dans le biz, n'y avait pas que mes sons que je voulais. Que je filais la belle vie depuis que Sarko on a viré. Ouais. Tu voulais que je récite des poèmes, te raconte une vie de bohème. Mais ma vie sera mienne et peu importe si tu l'aimes. Tu voulais du love and peace, moi je balance sur Requiem. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Mon meilleur ami, c'est problème. Le plus fidèle, il me suit partout. Tu voulais que je te dise que le showbiz c'est drogue, flouze et partout. Tu voulais nous éparpiller après nous avoir pillé. Tous ces viols par milliers, ça pas oublié. Tu voulais nous humilier, dans la boue nous traîner. Dans le péché nous entraîner. Mais t'inquiète pas, je suis préparé. Un vrai soldat déterminé, comme Tempo, on est baraqué. Django Oscar, November India Oscar. Si tu veux m'appeler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas les mêmes rêves. Même rêve. La misère et la crise. La misère et la crise. M'empêche pas et sans peine. Sans haine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On joue pas les mêmes scènes. Même scène. Faudrait que tu réalises. Faudrait que tu réalises. Qu'on n'a pas la même peine. Yo, tu voulais que je dise des conneries, des putains de bouffonneries. Tu voulais maîtriser mon rap, mais voilà tu me fais gonnerie. Tu voudrais que je dise que je descende du singe ou du gorille. Tu voudrais que je brandisse ton drapeau, ironie ma patrie. Tu voudrais que je trahisse mon padré. Tu voudrais que je n'ai pas de pendant. Quand t'essayes de m'encadrer, impossible comme un dîner entre Ali et Frasier. T'as reconnu le phrasé, ne cherche pas à me plagier. J'ai la folie des grandeurs, du coup t'auras fait, j'obligé. Tu voudrais que je te dise que ce n'est pas chaud, supporte le PSG. J'suis trop dégoûté, frère, mais qu'est-ce que je peux y faire? J'ai adouci mon caractère depuis que j'suis devenu père. Fais-moi le plaisir de croire, j'suis doux comme un agneau. Et tu repartiras entre quatre planches, transporté par des corbeaux. Ma vie est un putain de château de cartes. T'attendrais pas la bonne donne pour foncer là où d'autres abandonnent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas les mêmes rêves. Même rêve. La misère et la crise. La misère et la crise. M'empêche pas les sans peine. Sans haine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On joue pas les mêmes scènes. Même scène. Faudrait que tu réalises. Faudrait que tu réalises. Qu'on n'a pas la même peine. Écoute ça. Même haine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'on n'a pas les mêmes rêves. Même rêve. La misère et la crise. La misère et la crise. M'empêche pas les sans peine. Sans haine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'on joue pas les mêmes scènes. Même scène. Faudrait que tu réalises. Faudrait que tu réalises. Qu'on n'a pas la même peine. Même haine. Oui. tous les haters. Bah ouais mon rebeu, moi je m'en bats les couilles. Bah ouais mon négro, moi je m'en bats les couilles. J'ai vu des rappeurs parler sur nous. Je m'en bats les couilles, on les appelait tout. Bah ouais mon négro, moi je suis meilleur que. Bah ouais dans le 5-9 j'ai la meilleure beurre. Avec mes rebeux et mes négros. Et j'oublie pas tout, tout mais pas tout. Depuis que j'avance dans le monde de la musique, que je fais du feu, puis je rends maman fière et je voyage jusqu'à Miami. Les rats, je parle, mais bon, j'encaisse, tu connais les moqueries, les faux frères. Remplis de ce vie, nouveaux amis qui sont attirés par le profit. Tu vois le genre de profit, le genre de mec qui profite. Toujours là dans la lumière, mais t'oublieras comme Michael Scott. Je les voyais rire de moi, ils m'ont sous-estimé. Aujourd'hui, Kane a dit leur et je roule la joie d'être dans mon secteur. J'oublie tous les haines, tous les haters. Bah ouais mon négro, moi je m'en bats les couilles. Bah ouais mon rebeu, moi je m'en bats les couilles. Et je roule la joie d'être dans mon secteur. J'oublie tous les haines, tous les haters. Bah ouais mon rebeu, moi je m'en bats les couilles. Bah ouais mon négro, moi je m'en bats les couilles. Je me suis dit, laisse tomber, tu seras pas taille. J'traînais mes rimes au quatre coins de la France en guerrier Maasai. À courir sous la pluie, j'm'engageais dans ma bataille. Fallait que j'arrive à prouver au monde que j'pouvais être là. Pas de piston, pas de prix, pas de pont devant sous la table. Le prochain arrive, Kaina. Mon bac le chétane nous rattrape. Et nos vies tiennent sur un fil. Dans la fumée frère on s'évade. Le regard caché sous nos rébales. On se demande ce que la mort nous prépare. Ce que la mort nous prépare. Oh, ce que la mort nous prépare. Oh, caché sous nos rébats. Oh, caché sous nos rébats. Oh. Et je roule la joie d'avoir mon secteur. J'oublie tous les haines, tous les haters. Bah ouais, mon négro, moi je m'en bats les couilles. Bah ouais, mon rebeu, moi je m'en bats les couilles. Et je roule la joie d'avoir mon secteur. J'oublie tous les haines, tous les haters. Bah ouais, mon rebeu, moi je m'en bats les couilles. Bah ouais, mon négro, moi je m'en bats les couilles. C'est la nocturne et c'est cynique au contrôle de la nocturne avec un petit coucou. Un petit coucou à DJ Joy. Il s'est fait une petite dédicace normale. Une petite dédicace normale. Non, je disais un coucou à Gradure, à Kaina aussi, qui est présente sur le morceau. Ouais, Kaina aussi, qui fait partie de l'équipe Six of Nine. Et Gradure, ouais. Le morceau, il s'appelle Secteur, c'est sur l'album de Gradure. Voilà. Voilà. T'as apprécié, toi, Gradure, justement Ouais, franchement, j'ai suivi l'album, justement, avec Kaina. On a écouté ça. Et puis voilà, ouais, non, c'est cool. Hein. Franchement, elle m'a fait découvrir ce morceau-là et après le reste de l'album. Et le personnage. Ouais, non, mais je comprends que ça marche. Il y a un vrai truc, ça bosse derrière, ça fait des vrais clips. Je sais qu'il est parti aussi bosser un peu aux States, tout ça et tout. Donc, c'est des mecs qui vont chercher de la force. Voilà, il n'y a pas de secret dans ce business. Voilà. Et bah, Gradure, on salue son album qui est dans les bacs, évidemment, où vous retrouverez ce morceau avec Kaina. Et Kaina, alors pour 609, c'est quand les prochaines sorties? Écoute, je sais qu'elle bosse à fond sur l'album. Après, je peux pas te dire exactement c'est quand la date, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Donc, on a écouté dans cette session ce morceau. Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait BLC aussi, le morceau de 940 District. Et voilà, il y avait un morceau du poteau Maca aussi. Que Joy nous a placé. Ah. Tonio Reno, voilà. Petite dédicace du DJ. Donc voilà, Joy. Pour être complet, on est reparti pour une nouvelle session. Vas-y, c'est parti. Cynique au contrôle de la nocturne. Et DJ Joy. Que ma fille grandisse bien loin de ce vacarme. À l'âge que j'ai, c'est derrière moi les années de placard. Mon parcours dans la school ou dans la street, une suite d'erreurs. Le triste quotidien d'une petite erreur. 15 ans à se battre, qui l'aurait parié? C'est pas les balles qui m'ont loupé, c'est juste le ciel qui m'a épargné. Je voudrais pas qu'on me ramasse avec une petite cuillère. Faut faire un choix, le tapis rouge ou le tapis de prière. Si ça vend plus un scud, je me dirais que j'ai fait mon heure. Et rien à foutre de ce que l'histoire retiendra de mon œuvre. J'aurai toujours ma façon de voir, vérité pessimiste. Je reprendrai ma vie d'avant, RIP cynique. Ils veulent tous être connus, ils ont à peine mûri. Quitte à voter contre son pote, quitte à sucer le jury. Je voudrais partir d'ici, revendre le Porsche Cayenne. Le monde est moche, je me fais peur, je plains les proches d'Ayenne. J'ai vraiment plus rien à prouver, fini de fuck la police. M'en fous que l'on m'applaudisse. J'ai plus 20 ans, égaré, je me suis trouvé. L'amour était ma phobie, ma fille, je l'aime à la folie. J'ai plus 20 ans, je reviendrai donner des nouvelles. Des bars, ça me fait gaulerie, le rap et toutes ces conneries. J'ai plus 20 ans, je fume à visage découvert. Me défonce à la chronique, lundi j'arrête, c'est promis. Je veux plus savoir qui s'est fait plomber. J'ai passé l'âge, la vie du quartier. Un tel pète les plombs, un tel est tombé. Je prends du recul, mais normal, t'as vu la vie que j'ai. Juste un beat et la voix pitchée. J'attends ma fille devant l'école, venez pas me faire chier. Monsieur, c'est plus la merde envers les flics que je viens chercher. Impossible de nier une telle évidence. J'ai pris la paye, je suis parti, je vis dans une belle résidence. J'aspire au calme, c'est vrai, un projet thermal. J'aimerais ne plus signer, ni autographe, ni procès verbal. Plume de ouf, autoproclamé. Comme les trois quarts de mes potos, je viens d'en bas, j'étais pas programmé. Puis ce bled me met en boule, on dirait Sonic. Je serais parti depuis longtemps si j'étais Johnny. Rouler mon joint sans crainte, me sentir bien le matin. J'ai trop souffert dans cette vie depuis plus de 20 ans. J'ai vraiment plus rien à prouver, fini de fuck la police. M'en fous que l'on m'applaudisse. J'ai plus 20 ans, égaré, je me suis trouvé. L'amour était ma phobie, ma fille, je l'aime à la folie. J'ai plus 20 ans, je reviendrai donner des nouvelles. Des bars, ça me fait gaulerie, le rap et toutes ces conneries. J'ai plus 20 ans, je fume à visage découvert. Me défonce à la chronique, lundi j'arrête. C'est promis. À 25 piges, tout a basculé. Changement de cap, je suis nul en maths, mais ça m'arrange. Comme ça, j'évite de vous calculer. Là d'où je viens, l'air est irrespirable. C'est pour Inès que je me tape, car elle est inestimable. Forte tête pour réussir, j'ai pas pompé le trompa. J'ai niqué trop d'années en bas, je me suis trompé de combat. Trop de gens morts, je peux à peine les énumérer. Encore moins les récupérer. Alors si tout s'arrête, je serai fier de toutes ces choses accomplies. Je pourrai reprendre de l'air, je veux plus revendre de l'herbe. Dans les filets de la police, je suis pris. Je ne suis ni noir ni blanc, je suis gris. J'ai plus 20 ans. Je pardonnerai ceux qui m'ont lâché. Parce que les portes du paradis ne s'ouvrent pas aux croyants fâchés. Je rigolerai de ceux qui m'ont clashé. Hors lumière pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai plus 20 ans. J'ai vraiment plus rien à prouver. Fini de fuck la police, m'en fous que l'on m'applaudisse. J'ai plus 20 ans. Égaré, je me suis trouvé. L'amour était ma phobie. Ma fille, je l'aime à la folie. J'ai plus 20 ans. Je reviendrai donner des nouvelles, des bars, ça me fait gaulerie. Le rap et toutes ces conneries. J'ai plus 20 ans. Je fume à visage découvert. Me défonce à la chronique. Lundi j'arrête, c'est promis. J'ai plus 20 ans. Je pense à toi, maman, si là-haut. Renoir, si tu nous cherches, on est chez Daos. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. On regarde tous ces rappeurs faire du dumbolo. Les Ulysse 91. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Nous c'est retour 940 district. Yo, ballo, ballo. Allez, ciao, ciao, ciao. J'cours à ma perte, j'fais des sous sans cesse. J'ai lâché la salade pour big up la salade. La hurle me kiffe, ma meuf me kiffe. Les schmitts me puissent, ma daronne triste. Reviens Mexico, on enchaîne nos studios. Big up à Fafa, big up à Rino. Le rap c'est pour les G's. L'a dit OG, j'ai personne, t'as rien fait. Traîne pas ici, c'est danger. De mon avis, je suis le capitaine. Le bon équipage, reste capital. Du Brésil, je suis l'étincelle. Rien que se frotte à moi sans un string ficelle. On a la dalle, on a la dalle. On veut tout grind, on veut tout grind. T'es max drive by, si on veut taille, on veut taille. Allez, salam, salam, salut. Je slalom, je te salam et je t'allume. Allez, salam, salam, salut. Je slalom, je te salam et je t'allume. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Je pense à toi, maman, si là-haut. Ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Renoir, si tu nous cherches, on est chez Dao. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. On regarde tous ces rappeurs faire du dumbolo. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Nous c'est Renoir fâché comme Mario Ballo. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Y'aura pas de bonjour ni d'au revoir. J'rappe comme c'est pas permis, je m'en pars, ça parle à faire. J'ai la maladie du Yébi, tu racontes quoi, vas-y, casse-toi. T'es qu'une merde de billes, le son des loups, voire des louvois. Spécialiste dans les conneries, les fois vos guettes, man. Ré, faut les fumer, j'suis avec 10 mecs, classe le son. Vitre fumée, le Jacques Chauer, Gaza, Big Mac, pirate. Des voix comme Mickey, des OG Mac. J'veux que ma voix résonne du Panama Prague. Qui nique leur grand-mère, tous ces G.I. Joe. Ta boîte costaud, la balle ne sait qu'aller tout droit. Puis sur tes codes, tes règles et bien sûr tes lois. Fuck. Tu crois qu'on joue, toi? Non, non. J'suis chasseur, toi t'es la proie. Je pense à toi, maman, si là-haut. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Renoir, si tu nous cherches, on est chez Dao. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. On regarde tous ces rappeurs faire du dumbolo. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao. Nous c'est Renoir fâché comme Mario Ballo. Allez, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Me prends pour le king, pour le roi de la ville. Même que je porte le drapeau de la thèse. Ferme la vide, je connais la vie. Le cul qui nettoie le capot de la caisse. Personne peut me tester. Je crois que tous mes potes vont rester. Tire pour manquer de respect. Tire, tire, tire pour manquer de respect. Barre de fer, barre de rire. Partenaire à qui appartenir. Faire de l'oseille sans jamais rien faire. Je suis sûr de moi, je vais y parvenir. On est nombreux, c'est nous contre eux. T'inquiète, je connais bien la routine. On croit que dehors c'est Brooklyn. Non, tôt, y'a que là qu'on bouquine. Hors de moi, je fais la porte tête. Je voulais faire du bif, pourtant les portes se ferment. Je voulais quitter la ville, ce décor de merde. Je voulais vivre dans un clip et prendre bord de mer. Ah, harcelé, harcelé, toujours interpellé. Frère face au mur, les bras écartelés. Tous morts de rire devant les barbelés. Je nous attire, là les douilles. Violent, on sent pas les coups. Toujours, il faut jouer des coudes. Hollande, on sent pas les couilles. Personne ne veut perdre des plumes. Disons qu'on aime pas les cours. On est venu faire des thunes et fuir Salam à les couilles. Chez nous ça tire, là les douilles. Violent, on sent pas les couilles. Toujours, il faut jouer des coudes. Hollande, on sent pas les couilles. Personne ne veut perdre des plumes. Disons qu'on aime pas les cours. On est venu faire des thunes et fuir Salam à les couilles. N'arrête pas, papa, de les humilier. Du rap, rap, rap, j'suis le pilier. Inclashable, inflammable, j'suis bad, bad, bad et régulier. Les langues de pute déboulent en milliers. Clac, clac, clac, clac, délié. Vends l'issue dans ma filier. Dans mon 4-4-4-4 bélier. T'as compris, moi je viens de la Teste. En son prix sous l'effet de la dèche. La barbe noire à la benne de la denne. Car vers chez moi c'est le Bangladesh.

dans les bacs un nouveau projet d'Enigme Marron. Yeah, yeah, l'album arrive, c'est confirmé. Il est prêt à 90%, donc voilà, il est prévu pour le mois d'octobre. L'album s'appelle Valeurs Sûres. Et voilà, on est content. Il y a un premier single qui est déjà disponible en téléchargement, d'ailleurs libre, parce qu'on l'offre. Téléchargement libre. Voilà, pendant 5 jours. Sur le site www.negmarron.com. Le morceau s'appelle Fast Food Music. Donc il a été balancé, il y a le clip qui va avec. Exactement, depuis déjà 3 jours, depuis mercredi. La totale. Et un morceau déjà qui fait aussi polémique, hein, le fast food music. Ouais, les polémistes du net, non, on aime ça, mais c'est vrai que en balançant ce morceau, on se rend compte que finalement, on dirait que les gens maintenant sont sensibles, ils sont fragiles. Dès que tu balances un petit peu un morceau un peu punchy, bah bon, tout le monde a son avis, donc tant mieux, ça fait jacter, mais c'est vrai que nous, quand on balance un titre comme fast food music, pour nous, c'est vraiment un morceau qui nous ressemble. Ça va dans l'état d'esprit des Enigme Marron, comme ce qu'on a toujours pu faire. Même dès le premier morceau avec le premier album avec des morceaux tels que Compétition, c'est vrai que voilà, nous on est d'une génération où la compétition elle a toujours existé, même si on se check entre artistes, on se respecte, mais le but c'est voilà, c'est d'être le meilleur, et ça a toujours été l'esprit Enigme Marron, et c'est pour moi ça doit être ça l'esprit du game, c'est la compétition mais saine, avec c'est-à-dire avec des règles. Et un morceau comme Fast Food Music, c'est de la compète, bien sûr, on va pas se mentir, c'est de la compétition. Parce que quand on se frotte à d'autres artistes sur scène, le but c'est que à la fin du show, si c'est un plateau, les gens disent waouh, Enigme Marron ont tout pété. Et quand on sort un album, le but c'est aussi de tout péter. Donc on continue sur nos supporters. Vous n'êtes pas né du dernier clash, en effet, avec les Enigme Marron qui seront d'ailleurs sur scène tout à l'heure dans quelques minutes, là, juste après l'émission, direction Nancy. Exactement, on sera du côté des caves, je crois, que l'endroit s'appelle les caves. Donc les c'est caves. À Nancy. Apparemment, les gens sont déjà chauds bouillants là-bas. Ils attendent les Enigme Marron. On vous les envoie. Là, ils vont ambiancer la France entière comme à une grande époque, Jackie. Exactement. Pour tous les gens qui veulent écouter leurs classiques, du bilan à Tout le monde debout et tout le grand répertoire qu'on peut avoir, et ben, soyez présents, soyez là. Pendant une heure, on va se mettre bien. C'est ça le truc, Fred. Hein, et ben, coup d'envoi, non? On prend le contrôle. L'ordi ça est là, Faya Ding est là, DJ Fax est là, Esco est là, t'as vu toute la famille est là. Yeah, ça se passe sur Skyrock, c'est Jackie Brown et Benji, les deux Enigme Marron. Monsieur Fred est là, c'est la Nocturne. Hey, l'ordi ça, d'abord un pull up, roulez. Yeah, c'est Fast Food Music, fast c'est le brand food music. Écoute, On entend trop de fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum dans leur face. En direct de Skyrock, écoute. Que des morts se mouchent, que des mailles prennent se bouche, que des titulaires se mettent sur le terrain et les autres sur la touche. Jackie, ra ra ra. Je vois bien les décoder comme le fond de la musique. Bizarre, non faut pas déconner. Plus j'essaye de savoir pourquoi, et moi je les comprends. Plus j'essaye d'écouter ce qu'ils font, et moi je les entends. Leurs punchlines sont débiles, stériles et puériles. Le niveau est si bas, pourtant pense tout savoir des styles. Yeah, alors à qui la faute, ils font de la fast food music. Quelles sont ces maisons de disques qui signent des artistes sur des clics? Tout ça est pathétique, mais où est passé l'artistique? L'industrie est en chute libre, d'après les statistiques. Leur son est si vilain que parfois ils m'effraient. Leur cachet maximum équivaut à mes notes de frais. Veulent tous faire des albums, mais la plupart ne sont pas prêts. Veulent tous jouer les gangsta, mais la plupart ne sont pas vrais. Nouveau Enigme Marron. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum dans leur face. Boum on tire dans le tas. Boum si c'est leur meilleur niveau, nous on valide pas. Fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum dans leur face. Boum on tire dans le tas. Boum si c'est leur meilleur niveau, nous on valide pas. Progressive kid first try. Hey Benji, tu dis quoi? Ils veulent faire de la monnaie, ils veulent des trophées. T'en demandes, mais tu ne casses pas des briques. Défonce-toi au Viagra devant un mic, t'as pas la trique. Pas la peine de mentir au peuple. T'es pas dans le game, t'as pas la dégaine, t'es à la traîne sur scène. Pas un bon taf, tu nous salis. Trouve-toi un job au lieu d'user ta salive. J'vois que les tauliers sont boycottés, tandis que trop de guignols sont surcotés. Cessez de baisser vos fonds, je sais tout faire coquer. À peine entré dans l'industrie, je te vois déjà suffoquer. Ne me parle pas de buzz, ne me parle pas de vitesse. Les beats bailleraient, on parle comme un fan. T'entends pas ou quoi? On a trop de fans, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, music. Alors on envoie un classique. Ça fait cliquer, boum, dans leur face. Boum, on dit yeah, ça c'est le nouveau Nick Marron. Extrait de l'album Valeur Sûre. Allez, on le dire. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic. Boum, dans leur face. Boum, on tire dans le tas. Boum, si c'est leur meilleur niveau. Nous on valide pas. L'homme qui vient va par le nom de Purple Star. Kick it. Putain ça me bouleverse. Et il voudrait que je m'acclimate. Mais je viens bouleverser le climat car j'adhère à. J'espère que t'as mis ta combinaison asthmate. Purple Star à la Purple Asthmate. Comment je soigne les asthmatiques. Le rap pour crier allez. Comme disent mes négros les nègres. Marron je vais te brûler comme du shit. Et te fumer comme un spliff de zeb. Trop de fois, fois, fois, fois, fois, fois, fois, fois, fois, fois. Si tu veux clash, mais je t'offre un crash en première classe. Soit une shot pour nous en texte. Mais non, ligue magique, dis mal next. Sans faire saler au grand major, non, qu'est-ce que c'est que tu imagines. Avant moi, c'est vite de l'index. Guadada! On entend trop de fans, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic, clic, boum, dans leur face. Boum, on tire dans le tas. Boum, si c'est leur meilleur niveau. Nous, on valide pas. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, en direct de la nocturne. Alors on envoie un classique. Ça fait clic, clic, boum. Et là, on va faire un petit retour en arrière. Petit flashback. Hey! Dédicace à tous les quartiers, tous les ghettos. Les Nek Marron sont dans la maison. Extrait de l'album Héritage. Tu te rappelles de ça? Crier, la voix du peuple doit résonner. Crier, l'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les toujours gens engagés. Crier, la voix du peuple doit résonner. Rien. Mentir, excès de violence, acte d'inconscience. Ce quotidien dans lequel on aimerait mieux se sentir est devenu si dur qu'on s'interroge pour l'avenir. Passer de pire en pire. Certains veulent s'affirmer, adoptent un comportement. Rien à foutre pour prouver, on risque sa vie bêtement. Où va-t-on? On sait ce qu'on récolte à vivre dangereusement. Quatre murs ou quatre planches, une cellule ou un enterrement. Shit, chaque jour on s'enlise. On sait ce qui nous motive. C'est la crise, faut de la maille vite. Et on en arrive à se bouffer par instinct de survie. On en arrive à agresser même les plus démunis. Écoute, j'ai peur pour mes frères, j'ai peur pour mes sœurs. Livrés à cette réalité, cessons de répandre la terreur au milieu des nôtres. On sait à qui la faute. La voix du peuple doit résonner si on veut reprendre le contrôle. Hey, la voix du peuple doit résonner. L'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même pas sans danger. Yeah, c'est Nek Marron qui résonne dans tous les quartiers. Écoute, une spéciale pour mon ex Sengar Charcel. L'heure de la rédemption a sonné. On ne peut plus reculer, même face au danger. Restons engagés pour que les choses puissent changer. Comment calmer le peuple quand il est sous pression? Quand les problèmes s'accumulent et à l'horizon pas de solution. Y en a marre de beugler, d'être pris pour un mouton. Rien ne sert que gueuler, faisons la révolution. Agissons, plutôt que de se tuer entre nous. Réagissons, pour ne pas finir la corde au cou. Les esprits sont torrides et la masse est à bout de nerfs. On s'enterre un petit peu, y'a même plus assez de cimetière. Oli, oli, oli. Chacun cherche ses billes, prend des barres et se barrer. L'euro a foutu la merde, on devient tous tarés. Attends pas, quoi. Ça va de mal en pire, même si j'aime pas trop le dire. Je me demande comment tout cela va finir. Y'a toujours d'actualité. Il y a 10 ans. Écoute. Ah, c'était bon ça aussi. Aïe, hey, Fred, tu te rappelles de ça? Ça dégénère pour un oui ou pour un non. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. Ah, la distance de ma pole. Sur celle-là, on la remet ça une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. On est bien sur Skyrock, c'est bien la nocturne. Yeah, c'est Jacky B, on est Benji. Yeah, celle-ci c'est pour tous les quartiers, tous ceux qui nous soutiennent. Écoute. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. Je suis témoin d'une effrayante réalité. Les blocs stressent la la jeunesse, mec, ma cité va craquer. J'assiste au quotidien à des échanges, des rivalités entre jeunes du même clan, du même sang, du même quartier. Tous se testent, tous veulent prouver sa part en testos. Tous veulent gagner le respect, ça sort les pastos. Tous veulent brasser des billets, ça trahit les sauces. Tous ces problèmes font que beaucoup finissent dans la fosse. Et c'est la merde, mais c'est le bordel. Les petits ont banni droit des nets, ils sortent le couche qu'à le stage et ils n'hésitent pas, ils baissent même. Ceux qui avaient pour idole ne sont plus du décor. Ras-le-bol des chemins qui mènent à la mort. Où sous écrou, beaucoup ont déjà donné les va-et-vient du check-out au placard. Là, faut tout abandonner. Et là, souvent, seuls ceux qui sont allés savent. À leur insu, d'autres agissent, commettent des fautes graves. C'est pire en pire et je suis pas fier quand je regarde nos vies. Savoir mes amis enfermés de fleuri à au nid. Triste état des liés auxquels je ne peux faire face sans réagir pour que chacun retrouve sa place. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. Bien sur la nocturne. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction, ça dégénère pour un oui ou pour un non. Bien, yeah, ça c'était en 2000, et pourtant ça sonne tout nouveau. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Classic shit! Avant mec, ça se dégrade, le terrain est miné, j'ai le cul posé sur une grenade. La jeunesse sort les crocs et craque, l'atmosphère est trop crade. Y'a plus de petits ni grands, tous les gamins veulent prendre du grade. Écoute-moi en effet, c'est la réalité. Pour un oui, pour un non, les jeunes sont prêts à s'entretuer. La grisaille du bitume rend les esprits enragés. Putain, ils se la racontent, bataille, fous la rage. La haine dans les regards, que des insultes dans les bouches. Les générations changent, l'ambiance est plus simple et louche. Même se serrer la main aujourd'hui ne veut plus rien dire. L'amitié se dévalue, on le baise avec un sourire. Combien finissent à la mort ou sur un lit d'hôpital? Combien d'embrouilles minables ont laissé du sang sur la dalle? On appréhende les jours de peur d'apprendre une sale nouvelle. Les douleurs sont profondes aux abords de nos ruelles. Écoute! Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. La rue fait trop de fier, j'imagine la même pour toi. Est-ce dans le prix à payer lorsqu'on évolue là-bas? À qui le tour, le démon tourne autour de nous comme un vautour. Autour de moi, l'effectif diminue de jour même en jour. Même les anges ont des cœurs de pierre, plus de sentiments, plus de repères. Dur de distinguer les amis des ennemis, c'est clair. De la même façon que la rue peut nous unir, elle peut nous diviser. Chacun défend ses intérêts, peu importe le prix à payer. Combien de temps va-t-on tenir avant que ma cité explose? Les jours se succèdent, notre univers devient morose. On expose les faits pour ceux qui détiennent les solutions. Benji et Jacques qui sonnent l'alarme avant l'autodestruction. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, y'a une spéciale pour Karim et Warif dans la maison. H24, t'entends pas quoi? Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. Ça dégénère pour un oui ou pour un non. La routine quotidienne met les jeunes sous pression. Y a-t-il une solution pour calmer la tension? Avant l'hémorragie interne, avant l'autodestruction. L'énigme marron au contrôle de la nocturne. Avec à l'instant ce morceau culte, ce classic shit. Classic shit. Ça dégénère, c'est vrai, 15 piges déjà. Hein. Eh ouais. C'est vrai que c'est sorti en. C'était extrait de l'album Le Bilan, ça, je crois. Ouais, ouais, Le Bilan, donc ouais. 2000, ouais. Ouais, voilà, sorti en 15 piges, exactement. Bon, et le bilan, Neg Marron, il est quand même plutôt bon, non? Quand vous regardez un peu en arrière, quand vous réécoutez les morceaux, ça, ça vieillit pas trop, hein, tous ces morceaux? Ben, c'est vrai que les morceaux déjà vieillissent bien et continuent à susciter ben, pas mal de choses, pas mal d'émotions, même surtout chez tous les gens qui nous suivent. Nous, on le voit bien au quotidien en prenant la route, en allant faire des concerts, que les gens aiment vraiment, vraiment ces morceaux-là. Et c'est des morceaux qui ont marqué la vie de toute une génération. Toute prétention, voilà. Hein, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, mais voilà, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est des classiques. Nous-mêmes, on est contents de les chanter. C'est des morceaux qui représentent vraiment une période de nos vies à nous aussi. Donc voilà. Bah, en même temps, en plus, avec la discographie, c'est compliqué d'en choisir maintenant avec vos. Parce qu'avec tous les morceaux, quand vous faites même des showcases, vous serez tout à l'heure à Nancy, vous tournez un peu partout. C'est vrai. Bah, c'est vrai, déjà. C'est le bordel, parce que les gens disent putain, vous n'avez pas chanté celui-là, merde. Ah, c'est clair. Déjà, le track listing de la tournée précédente, il était compliqué. Mmh. Et on était à 4 albums avec tous les à côté, hein, sans compter les albums qu'on a pu faire avec le Bissona Bisso, la MC Malcriado, les premières classes. Donc, le noyau dur, on essaye de jouer un petit peu tout ça sur scène. Donc, déjà, c'était très compliqué. Et avec un nouvel album, donc 15 titres en plus, c'est vrai que ça, je pense que les premières répétitions pour la nouvelle tournée, ça va être assez complexe. Parce que c'est vrai que Nous, on aime bien quand même contenter les supporters, à savoir qu'ils viennent nous voir pour écouter l'actu, mais ils aiment bien aussi leur morceau Remember, quoi. Normal. Bon, les Nègres Marrons avec nous, c'est eux qui ont pris le contrôle de la maison. On va saluer aussi vos invités hein, qui sont là tout à l'heure. Le morceau avec lequel on a débuté, vous avez un featuring aussi dessus, hein, sur le fast food music. Yes. Yeah, Purple Star est là, en provenance de Guadada. Donc ouais, il est là, il y a Fayadé aussi, t'as vu, qui est là. Donc ça c'est normal, ça bouge pas, c'est la famille. Lordi, ça bouge pas non plus. Voilà, DJ Fax, ça bouge pas, t'as vu, il y a que la famille qui est là. Une spéciale pour Mister Alexis, au maximum, il fait le boulot. Donc voilà, c'est vrai que Nègres Marrons c'est une grande famille. Et c'est pour ça que tu retrouves toujours les mêmes personnes autour de nous. Et depuis toutes ces années, donc on change pas une équipe qui gagne. Est-ce qu'on est reparti ou pas pour une nouvelle session? Ready, hein. Ready? Là, on dit ça, vas-y, sans perdre de temps, on balance. Des platines. Oula. Ouh. Ha. Hey, tu te rappelles de ça? Elle est une bombe. Lucas Neck, premier album. Avec toute la famille du secteur. Je pose ma notoriété comme plutôt collé, olé. Me regarde pas de travers, enculé de ta mère. J'ai flambé sur l'album de Nègres Marrons. Et tu me connais. Si t'es pas content, va te faire mettre jusqu'au trou de nez. Tu piétines à coups de talons, façon Joe Pesci. La franchise, pas chichi. Mon secteur a te chie, dans lui tu fléchis. Même si tu cries, on augmente la mélodie de la tuerie. Fais placer l'homicide pour un putain d'arachiri. Les flics usent leurs indices, personne sait c'est hic. Va te faire enculé. Je vois ce qui me revient de pouvoir les richesses m'ont étalé. Stormy Bugsy, c'est comme ça qu'on m'appelle. Tu sais le bon gosse avec le costard, la coupe de champagne et le cigare. Le rap de tes rêves, j'en ai à la pelle. J'ai tout connu, laisse-moi sortir du cul. Les murs de chez moi sont tellement fins que quand mon voisin chie, je peux savoir si c'est des pâtes ou du riz. Quand les fils de salope prétendent faire du vrai hip-hop, l'important c'est la maille, le flouze, la pêche, la classe, quoi. Appelle-moi Stormy Bugsy Montana, le calibre qu'il te faut. En attendant le prochain album du MA, mon premier est une classe d'équipe. Gynéco. Mon second, un MC qui fait du rap à l'eau. Le tout est une salope que je baisse sans capote. Je touche ma sacelle et j'investis dans un BM. Je baisse toutes les filles mères. L'homme qui met son doigt dans ton intimité a prostitué ton rap sur le boulevard né. Si tu veux pécho, viens voir Gynéco. Jamais de pénurie au PLC. J'investis en gros dans les rues du quartier. Je suis sur toutes les radios, j'ai des clips vidéo. On s'échange mes démos, j'ai une putain de promo. Un riche en sursis. Toi-même tu sais que secteur à ma pluie. Oui mais oui t'as le nom. J'arrive et puis j'explose en une fraction de seconde. Dame ta gueule creuse ta tombe. La secteur a c'est l'hécatombe. Je tombe comme le tonnerre et je suis vénère comme King Kong. Est-ce que t'as bien saisi les trois scars la voyou. Benji Jackie Jamatic Daddy viens chercher pour vous. NF9 l'année où tu rêves de paix. Laisse-toi abattre si tu ne veux pas être de la baisse. My my. Mais oui il n'y a que la maille. Ok. Il y a différents styles. On fait les choses. Ça, c'est l'époque première classe, on fait les choses. Tu te rappelles de ça? Écoute! Je suis le mec qu'on appelle Mystique. Mystique Amente! Rien de la chaleur ici, c'est. Mucha caliente! Arrête! Tu sais pas feinter, avec ton style emprunté. Je te laisse même pas le temps de finir. J'vais chanter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra. C'est Mystique Amente. Première classe, on fait les choses. Tu te rappelles de ça? Je suis le mec qu'on appelle Mystique, Mystique Amente. Rien de la chaleur ici, c'est mucha caliente. Arrête, tu sais pas feinter, avec ton style emprunté. Je te laisse même pas le temps de finir. Je vais te chanter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Sale chanté, foutu dans ta tête, t'es peinté. Moi je fracasse tout, à la télé kiffe pas du tout. Christine aux craintes. Les craintes, c'est une touche d'ironie teintée. Chaque passage au micro testé, tu sais que je veux pointer. Voici le petit noir, café très très noir, beaucoup me détestent. Préfère un T3D, donne plus que le quinté. Dans Mystique, y'a quinté. Trinqué, à la mienne, ma souveraineté, notamente. Ton esprit, mes mots vont teinter. Sachez, fâché, N998, mon baby C. MYSTIK, Mystique. Exactamente. Les deux, on fume la chose. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Même si je dérange, ma trame, même chance s'arrange. Je vais te couler comme du de chier, de fumer comme un spliff de zèbre. MYSTIK, Exactamente. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. T'as une bombe, première classe pour le nord, sud, est, ouest. Je vais te couler comme du de chier, de fumer comme un spliff de zèbre. Rappeur, Wallow, tu sais. C'est Python Mike. Si le rap est un jeu, appelle-moi player. Si t'as l'oreille, écoute ma rime bien. Appelle-moi meilleur et belle. Le B, le A, de C, A, R, D, I. Le B à bas du B, on rap dans ta stéréo. Bah, tout le monde confond. Le rap, c'est un moyen, pas une fin. Ni un sprint, mais une course de fond. Je me focalise pas sur les histoires de meufs. N'immortalise pas ces histoires de cité de keufs. Je l'ouvre parce que la ferme, c'est pour les cochons. Je suis acteur quand j'ai mon rôle à jouer et pas un autre. Lui veut être moi, elle veut être à moi. Et moi, je voudrais être à l'affiche dans le RER. Du moins, je suis pas fâché que machin. Et pompé mon style. Je suis pas chat et peut-être chef. Mais j'ai léché plus de nichons que toi. Pas garder juste pour le goût, goûte. C'est pas des rimes au compte, coup de guette. Je coupe toutes les têtes sur ma bouche. Si je vais te lâcher, je vais te lâcher de rabot, crier à l'aide. T'as une bombe, première classe pour le Nord. Bacardi Pie, brûlé comme du toshi et de fumer comme un Yaoundé. Rappeur SOL, oh tu sais, c'est Pito Mike. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher de rabot, crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des millions. Je vais brûler comme du toshi et de fumer comme un spliff de zèbre. 113 clans, ma fière qu'un frigo. Et on range tes œufs. Les ventes concrétisées. Bois ma santé quand tu vas teaser. Tout pour le zeille, t'inquiète ta poche, je te le disais. Si t'es à poil, c'est pas grave, faut économiser. L'union fait la force, toi et tes potes, faut cotiser. De mon juice, la jalousie, je m'en vais attiser. Mon style mérite de faire la une du journal télévisé. Mais on m'a dit que c'était des bruits qui produisaient. Donc en tant qu'antipédé, ton colon, je viens briser. Inutile, c'est pas la peine de sympathiser. Ce n'est pas de mon pédigré, je ne pense qu'à traumatiser. Rof Excel, Vitry à Garchassel. Au ghetto français, ma voix traverse le ciel. 9-4 de cruauté, car je vais mettre mon grain de sel. Par habitude de tout niquer, car soldat universel. 9-8, l'année de la cuisse. Sur une mission, j'opère. Ma sert qu'un frit arrière. Calibrer ses pépères. Je vais te lâcher, je vais te lâcher de rabot, crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des millions. Je vais brûler comme du te chier et te fumer comme un spliff de zèbre. Et dédicace à tous nos supporters. Jusqu'à la mort. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher de rabot, crier à l'aide. Flashback, Neg Maron. 2015, on revient dans les bacs. Je vais brûler comme du te chier et te fumer comme un spliff de zèbre. Rien n'a changé. Écoute ce style, écoute ma voix. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? L'homme qui dresse la rime et chat, tu sais que ça, tu le sais déjà. J'atterris sur ce beat avec du pitch. Jackie, mon acolyte, me conseille que ça défouraille. Je ne vais pas faire de détails. Je vais t'étriper, je vais t'égorger. Et transpercer tes entrailles. Coup de front kick, coup d'high kick, coup de patate comme en box toy. Tu vas saigner, c'est clair, j'ai un style qui cisaille. Je suis un vrai guerrier, ma saille. Je terrorise mes ennemis partout où je passe, je vous la bagaille. C'est Jackie que tu veux clash, qu'est-ce qui se passe? T'es chic taille. T'as 10 secondes pour t'excuser ou préparer tes funérailles. Mais ma tactique, c'est l'attaque, claire et nette, pas de micmac. Je ne vais pas jeter des fleurs à ceux qui méritent des claques, non. J'ai des lyriques en stock, des vannes et des plaques en bloc. À la disposition de celui qui me faut. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher. T'auras beau crier à l'aide. Reviens foutre d'Awa pour les rater les scarlats. Je vais te brûler comme du dessus et te fumer comme un spliff de zèbre. Hey Benji Jack, il déchire pour le secteur. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher. Une spéciale pour Stéphane et Patou, première classe. Fight pour Time Bomb Black Mafia. Bacardi Pint. Tu peux pas tester avec la mafia qu'un prix. Si je dois te lâcher, je vais te lâcher. T'auras beau crier à l'aide. Hey, Tops 2000, bon anniversaire, frérot. Bourbal, rue Casnec, place des fêtes. Je vais te brûler comme du de chier et te fumer comme un spliff de zèbre. On va se mettre bien ce week-end. Le drapeau du tu sais déjà. Je vais te lâcher, je vais te lâcher, t'auras beau crier à l'aide. Première classe, j'ai mes fendus dans la place. Je vais te brûler comme du de chier et te fumer comme un spliff de zèbre. J'en place une pour Saïd, Express, D et la sexe. Attends pas ou quoi? Et on enchaîne avec un différent style. Reggae music. On rêve tous d'une vie meilleure. Le morceau s'appelle Vie meilleure. Plus de bonheur et moins de pleurs. T'entends pas ou quoi? Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. On veut du love, plus de love. Allons dans la bonne direction. Écoute. On rêve d'une vie meilleure. Plus de joie, moins de pleurs. Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey, on rêve d'une vie meilleure. Plus de joie, moins de pleurs. Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey, j'aimerais tant voir autre chose. J'arrive pas à m'y faire. Trop de larmes, trop de peine, trop de haine et trop de guerre. Cette vie sombre laisse un sentiment amer. On vit loin du paradis et bien trop près de l'enfer. C'est si triste. Toujours les mêmes à l'aise et les mêmes qui subissent. Dans le plus grand silence, mais il faut qu'on réagisse. Je ne perds pas espoir de voir un jour le peuple uni. Dans la paix, dans la joie et l'amour. Oui. J'aimerais tant qu'il cesse de régner dans la haine. Si enfin il y a une justice, qu'elle intervienne. Pour les uns comme pour les autres, pour les riches comme pour les pauvres. Qu'on soit réellement libre et beau. Plus de joie, moins de pleurs. Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. T'entends pas ou quoi? On rêve d'une vie meilleure. Plus de joie, moins de pleurs. Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Plus de love. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey. C'est vrai que je peux pas refaire le monde, mais moi j'ai décidé positif. Avec la foi et l'aide du ciel, un rêve peut devenir réalité. Hey, hey. Regardons les choses en face, l'œil du mal nous menace. Il n'y a que l'amour qui pourra nous sauver. On périra par les flammes si on ne baisse pas les armes. La lumière disparaîtra sous l'obscurité. Écoute, toujours je me demande dans quel monde vont évoluer les prochaines générations. Je pense à nos enfants livrés à eux-mêmes face aux problèmes sans solution. Changeons le cours du temps en s'investissant et en prenant les bonnes décisions. Tous dans le même sens, dans la bonne direction. Hey, on rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey, on rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Hey, on a dit ça. Donne-nous un différent style. Hey, mais t'entends pas ou quoi? Je l'aime, je le file. Le morceau, c'est donne-toi des moyens. De réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. Oh, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Donne-toi les moyens d'y arriver. De réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. À surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Donne-toi les moyens d'y arriver. Extrait de l'album Héritage. Monsieur Sly & Robbie derrière, bien sûr. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Là, nous avons un changement. Tu te rappelles de ça ou quoi? Hey, dédicace à tout mon F5, ça c'est le gage. Yeah. Hey. Yeah. La rue Casneg, viens jouer, jouer, jouer. J'y ai connu mes joies, mes peines, en un mot la vie. La rue Casneg, ainsi ce nom m'a décidé. Jusqu'à mon dernier soupir, elle dirigera mon esprit. La rue Casneg. J'y ai connu mes joies, mes peines, en un mot la vie. La rue Casse-Nègre, ainsi ce nom m'a décidé. Premier album. Jusqu'à mon dernier soupir, elle dirigera mon esprit. Si l'hiver du matin, la rue commence à s'animer. Comme toutes les nuits, des choses mystiques ont dû se passer. Pendant que moi je rentre me coucher d'une virée agitée, mon père prend le premier 133 pour aller travailler. 8h du matin, la rue Casse-Nègre est pleine d'enfants et des coquets. L'église des sons présents et les assistes pour traverser. C'est que dans 10 ans, les mêmes qui se dévoient les contrôler. Ce qui ne savent pas, c'est que dans 10 ans, c'est qui se dévoient les enfermer. 10h du matin, dans le sol, les chômeurs viennent squatter. Pour leur première dynam, quand leur chanson tiercée. Rêve de s'enrichir, s'acheter un gros BMW. Et pour pouvoir construire une maison à maman ou deux bébés. Et au moment où ils tout seul, vous faites job à yoler. Yamassé! Papa a dit d'en gagner la poupée, fait la. Et la commune, vous êtes à l'écoute ou quoi? Faites péter ça sur le parking. Dites-leur que c'est la nocturne et c'est avec maman. Jusqu'à mon dernier soupir. Attends pas ou quoi? Comme t'as pu l'écouter dans le couché. Très tôt le samedi matin, les papas vont au café. Dans toutes les cases, les sonos roulent à fond. Du souk de la soukous. Et l'album des nègres marrons. Et sur le grand parking, tout le monde astique son auto. Des BMW, des Mercos, moi mon 309 Peugeot. Et ouais, à l'époque, hein, tu t'appelles les gens d'un litre 9. Et ben ouais, mon frère. Hein. Et par la fenêtre qui a le meilleur styling. Comme d'habitude, tous les lasses garçons beaux des pieds à la tête. Y'a des défilés de survêtement, costa du ralvé. Blanche basket. C'est encore un samedi où on va faire la fête. Et le dimanche tout le monde. La rue Casse-Nègre est déserte. La rue Casse-Nègre ainsi se nomme à Tessie. Ah lourd. La rue Casse-Nègre ainsi se nomme à Tessie. Jusqu'à mon dernier soupir, elle dirigera mon esprit. La rue Casse-Nègre est un vrai paradis. Les femmes les plus jolies et les filles les plus sexy. La rue Casse-Nègre est un arbre où ne pousse que des bons fruits. Y'en a des murs et des bas murs, mais comment tu peux faire, t'as déjà né touriste. Dégage. Mais. Quand c'est pas les taspés, ils tâtent leur canbé. Quand ce ne sont pas les canbés, ils passent leur temps à vanner. Et quand ce ne sont pas les vannes, c'est la dynam pour se chirer. Il est qu'arrive l'hiver, le quartier devient mort. Certains squattent des hauteurs, il fait trop froid dehors. Y'en a qui disparaissent pour réapparaître en été. Maintenant tu sais comment ça se passe dans mon quartier. La rue Casse-Nègre m'a tout appris. Oh, ça fait trop du bien de réécouter ça. La rue Casse-Nègre, ainsi se nomme ma décision. Jusqu'à mon dernier soupir, elle dirigera mon esprit. La rue Casse-Nègre, Carl The Voice sur les cœurs, big up à toi. Les joies, mes peines, on a mon avis. La rue Casse-Nègre, ainsi se nomme ma décision. Jusqu'à mon dernier soupir, elle dirigera mon esprit. Elle laisse-le jusqu'à la fin, s'il aille ça. Ah ouais. Ça, c'est joué par le Rough Cut Band. On était à Londres. Et Bob Lers, il a appuyé ça dur. Faygon à la batterie. C'est du live, c'est ça qu'on appelle la musique, la famille. Une spéciale à Monsieur Karim Thiam dans la maison Warif aussi. Et c'est la nocturne avec les nègres marrons dans la maison au contrôle de la nocturne. Yeah. Ce morceau, on est reparti loin. Ouais, 80, dans la rue Casse-Nègre. 95 en fait, et que l'album Rue Casse-Nègre est sorti en 97. Donc, ouais, voilà, ça c'est les belles années, t'as vu qu'on ça, c'est quoi, les quand, murs. Quand justement, c'est marrant parce que t'en parlais un peu sur le morceau, Jackie, mais les souvenirs d'enregistrement, c'est ça, c'est à Londres, c'est avec les musiciens, c'est. Exactement, tout le premier album Rue Casse-Nègre a été enregistré à Londres. Par un band jamaïcain vivant à Londres en fait qui s'appelle le Rough Cut Band. Donc nous c'était notre premier album, on arrive avec très très peu d'expérience studio, des trucs un peu à l'arrache à la base, et voilà, on est venu avec des maquettes, tout ce qu'on avait préparé à Paris, et puis ils se sont occupés de customiser tout ça, on va dire, mettre ça en forme, de mettre ça en forme, de dans, donner dans les son bonnes normes à la rue Casse-Nègre justement. Voilà, la cité Garches-Sarcelles, voilà, c'est le titre du premier album aussi. Ouais, rue Casse-Nègre aussi, qui était dédicacé au quartier là où Jackie et moi on s'est rencontrés étant tout petit, et là où on a tout appris, là où on a appris la vie, là où on a commencé à écrire nos premiers textes, là où il y avait une 309, là où il y avait la 309. Ah ouais, la 309 Peugeot. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette 309 Peugeot? Je sais pas si elle existe encore à cette époque, mais franchement, putain, on en a fait des virées. Hein. Yeah. T'es fou, elle était toujours bien lustrée. Elle était grise, métallisée, jantin litre neuf. Ah ouais. Le dimanche, c'était le nettoyage ou quoi? Ah ouais. Non, c'était le nettoyage, c'était le samedi c'est matin. Le samedi matin. Samedi matin, t'astiques le fer. Tu mets le son, t'as vu, c'était les boomers, tout ça, toujours grosse sono, nous obligés. Il y avait voilà, porte ouverte, t'astiques ça. Le matin, après, à midi, bon, on allait manger. Après, l'après-midi, on revenait, tout le monde sortait son plus beau survêt, le survêt Cosla, les baskets blanches. Et après, le soir, on allait s'ambiancer du côté de Villiers-le-Bel, où tu vois, il y avait souvent des soirées là-bas à Villiers, là. On allait draguer les petites à Villiers-le-Bel. Avec la 309. Avec la 309, on démarrait. Non, c'était lourd. Et maintenant, justement, tiens, quand on rentre en studio, là, il y a l'album qui arrivera au mois d'octobre. Vous vous souvenez de ces moments-là, ou vous êtes dans quel état d'esprit? C'est forcément beaucoup plus professionnel maintenant quand vous êtes en studio ou... Ouais, c'est vrai. Mais bon, on perd pas justement cet esprit du live. Nous, on aime bien aussi que les musiciens interviennent sur nos morceaux. Et c'est vrai qu'à cette époque, bon, on reprenait beaucoup de classiques aussi jamaïcains. D'ailleurs, ce morceau Rue Casse-Nègre, l'instru à la base, c'est une reprise, c'est un cover jamaïcain. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye un peu plus de créer, de composer nous-mêmes nos propres musiques, etc. Mais voilà, c'est toujours avec autant de créativité, toujours avec autant d'inspiration. Et autant de plaisir de vous retrouver à chaque fois en studio. Et autant de plaisir quand Jackie arrive à l'heure. Ouais, autant de plaisir. ça taille dans mon dos. Franchement, aujourd'hui, j'ai endossé. Tu avais le dos tourné, tu étais en train de parler à Issa. T'as vu comment la fléchette, elle est arrivée. Mais je l'ai senti venir, tu vois. Bye. Je l'ai senti, je me suis retourné. Non, là, j'ai endossé la casquette de Benji. D'habitude, je porte pas ce rôle-là. Non, tu sais, j'ai fait un morceau où, avec le Bissot 2010. Mon couplet commence par « Eh merde, je suis encore en retard ». Ah, et à partir de là, c'est bon, tout le monde est prévenu. Toi, t'es prévenu, t'es tranquille. Voilà. Bon, c'est ce qu'il te reste à faire, Jackie, sur l'album. Ouais, non, mais t'as vu, non, on est quand même, depuis toutes ces années, on essaye de limiter la casse, même si, tu vois, il y a des restes encore. On se soigne, mais. Tranquillement. Mais ouais, calmement. Voilà. Calmement. Calmement. Yes. Bon, en tout cas, l'album, ce sera au mois d'octobre. Il y aura pareil, donc tu disais, Benji, des musiciens par Voilà, pas mal de musiciens. Après, des compositeurs. On a bossé avec beaucoup de jeunes compositeurs, dont Purple Star, qui est là aussi ce soir, qui est lui-même est rappeur. Ingénieur aussi du son, donc au niveau de la technique, il est bien bien calé et il compose aussi des gros sons bien lourds. Purple Star. Il a 3-4 prods dans le nouvel album là, donc voilà. Après il y a plein de gens aussi avec qui on a l'habitude de travailler, comme Jimmy Finger, qui a fait aussi des sons dans le nouvel album, mais beaucoup de jeunes compositeurs. Beaucoup de jeunes compositeurs. Et donc Purple Star, vous avez découvert comment Purple Star en fait? Purple Star, on travaille avec nous, il travaille avec nous dans la maison, comme Benjit le disait, tu vois, il est compositeur, il a plusieurs casquettes et c'est un geek aussi, donc accessoirement il est aussi ingénieur, et quand on a enregistré justement le morceau Fast Food Music, c'est lui qui faisait les prises et tu vois, c'est un gars, il est plutôt posé, mais quand on a enregistré ce morceau, il s'est transformé. On lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ce morceau, il te parle ou quoi? Il nous a dit, ah ouais, obligé. Franchement, il me parle. Yes, Purple. Ça va? Yes. Ouais, en forme? Tranquille. Bon, tu confirmes, Jackie en retard? Ouais, mais c'est rare pour ça, du coup. Bien joué. Voilà. Ça, c'est un ami. Non, mais c'est la vérité. Toi, tu es un Purple Star. Toi, les souvenirs de Neg Marron, c'est quoi les morceaux que tu as en tête ou... Moi, le plus important, c'est la monnaie. Ah, la monnaie? Ouais, parce que j'étais assez jeune. Je sais plus trop dans quelle classe. Et puis, c'est les premiers morceaux que tu qui commences te marquent, à connaître par cœur, surtout. Tu vois, à chanter. Donc c'est surtout la monnaie. Et donc là, heureux de bosser avec eux? Écoute, c'est un honneur, on va dire, directement. Et bah Purple Star, vous le retrouvez. Le morceau, il est téléchargeable gratos. Hein. Voilà. Il est offert pendant 5 jours. Hein. Là, voilà, 5e album, 5 jours en téléchargement libre offert par la générosité. La grande classe. Des Neg Marron. Mais c'est vrai que. La première classe. Et puis, c'est non seulement 5e album, mais c'est un peu plus de 5 ans d'absence aussi discographique. Donc là, pour ce premier morceau, pour ce retour, on avait envie aussi de dire au public, ça c'est pour vous. Donc c'est gratos. Allez mettez-vous sur le site des Neg Marron, vous l'avez gratos. Neg Marron. Ce qui est important de dire aussi, c'est que voilà, là c'est le premier extrait qu'on balance, mais faut vraiment rester à l'affût, parce que pour beaucoup, pour nos supporters surtout qui nous suivent, octobre ça paraît loin, mais ça va arriver vite, parce que le but c'est de chaque mois en fait balancer un nouvel extrait, et donc d'ici la sortie de l'album, et ben les gens auront en leur possession au moins 5 ou 6 morceaux. Donc voilà, les réseaux sociaux, restez connectés, Facebook Neg Marron, Twitter Neg Marron, n'hésitez pas à aller chercher les infos, et puis voilà, nous régulièrement on met à jour l'actualité. Et là on est reparti pour une nouvelle session. Nouvelle session, c'est l'ordi ça qui est aux commandes. Il y a DJ Fax qui est là, t'as vu, toute la famille elle est là. Donc il y a l'ordi ça. Je crois qu'on va partir en bouillon, on va lâcher ce qui arrive. On est là, c'est la nocturne, une spéciale pour Monsieur Fred. On est bien sur Sky. Et y'a demain un changement, roulez. Une fois de plus, Neg Marron vient chanter. On dédicace ce morceau à toutes les communautés. Yeah. C'est trop facile de vouloir effacer le passé. Hey, celle-ci c'est pour l'Afrique, les Antilles. Bête Neg Marron. Jusqu'à la mort, ça bouge pas. On fait de moi un homme fier d'être un Neg snake marron. Le passé laisse des traces, n'efface pas les cicatrices. Le sourire sur ma face à leur égard est factice. Je boite à cause du jarre et qu'ils m'ont coupé jadis. Un jour viendra où pour les miens il y aura justice. Le soleil m'a donné la plus belle couleur de peau. Nègre et fier de l'être, regarde-moi comment je suis beau. Mulâtre ou noir et ben, on vient tous du même bateau. Puis soudain séparé tel un envol d'oiseau. Snake marron. Une spéciale pour la Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est votre morceau préféré là-haut. Big up Nouméa. Entends pas ou quoi? Les Snake marron reviennent chanter. On continue toujours. On prend la parole de musique. Chaque band de Benji qui chante ça. Quelques belles mélodies pour vous soulager. L'album c'est Héritage, Souvenir. Oui, yeah. Remember oui, that. Yeah. On aura toujours les mots qu'il faut et des belles mélodies. Et en plus, celui-là, je sais que c'est le morceau de préféré de mon frérot Fayal. Dang, play the tune again. Hey, hey, les Snake marron reviennent chanter. On prend la parole pour tous les oppressés. Quelques belles mélodies pour vous soulager. Oui, yeah, oui, yeah. On aura toujours les mots qu'il faut et des belles mélodies à chanter pour soulager sur du reggae la douleur de tout ce délaissé. Attends pas, moi. On aura toujours les mots qu'il faut et des belles mélodies à chanter pour soulager sur du reggae la douleur de tout ce délaissé. Alors apaisons les esprits de tous les délaissés, des démunis et des oubliés, à tous ceux abandonnés sur le bas-côté. Puis ceux qui souffrent en silence face à tant d'indifférence. Chantez. Les exclus au regard meurtri, même quand le soleil brille autour de tout est gris. Les oiseaux se cachent pour mourir et eux se cachent pour ne pas être jugés. Condamnés à subir le pire, mis à l'écart pour cause de leur pauvreté. Cette vie est faite de tant d'injustices. Pourquoi toujours les mêmes qui subissent? Ce morceau leur est dédié. Oui, yeah, mais c'est. On aura toujours les mots qu'il faut et des belles mélodies à chanter pour soulager sur du reggae la douleur de tous ceux délaissés. C'est. On aura toujours. Et tous nos enfermés, tous ceux qui dorment dehors, tous les démunis, c'est pour vous. Pour soulager sur du reggae la douleur de tous ceux délaissés. Dans le noir, à ceux pour qui le désarroi a enlevé toutes les eaux d'y croire. Parfois rien peut tout changer. Il suffit de nous soulager. Donner un nouvel espoir à ceux qui sombrent dans le noir, à ceux pour qui le désarroi a enlevé toutes les eaux d'y croire. De plus en plus nombreux sont ceux qui voient les portes de l'avenir se refermer devant eux sans même qu'ils puissent réagir. En conséquence, le fardeau est trop lourd pour supporter. Le malheur frappe, ne pas se laisser abattre. Mais comment remonter la pente? Comment vaincre la tristesse quand on est seul dans la souffrance? Comment trouver ses repères si même la vie n'a plus de sens? C'est l'impasse, le temps passe, plus de patience, trop de questions sans réponse, tout ça les dépasse et ils renoncent à mener cette vie dont nous sommes les témoins. Sans parfois même savoir que tous ses proches sont dans le besoin, mais souvent, hey, une parole peut suffire. Un petit geste, un sourire pour redonner le plaisir, pour même l'envie de s'en sortir. Attends, quoi? Parfois rien peut tout changer. Il suffit que pour soulager. Donner un nouvel espoir à ceux qui sombrent dans le noir, à ceux pour qui le désarroi a enlevé toute raison d'y croire. Parfois rien peut tout changer. Extrait de l'album Le Bilan. Donner un nouvel espoir à ceux qui sombrent dans le noir, à ceux pour qui le désarroi a enlevé toute raison d'y croire. Donne-moi un changement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque. Ah bon, hein? Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans et classique, j'ai envie de la dédicacer à Netta. T'entends pas ou quoi? La vie de l'homme ne dure pas longtemps. On fait le bilan calmement. Le bilan de ma vie, hein? Hey, c'est fou ce que le temps passe vite. La vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'au jour. Je repense à notre enfance pas toujours aisée. Sans

Larissa, donne-moi un pull-up. La nocturne avec les Neg Marron contre l'Ordissa aussi au platine. Ah, c'est du bon. Voilà, c'est un bon moment avec les Neg Marron. Voilà, c'est pas mal de classiques, pas mal de gros morceaux du répertoire Neg Marron et on en voilà. Oublie même en fait. On joue un peu de morceaux de chaque album. Une petite sélection. Dans voilà. Un instant, il y a un petit coup de live aussi avec vous, les Neg Marron, c'est ça? Yeah. Ouais, on va se mettre en place. On va balancer encore 2-3 trucs. Ouais, et puis après, dans la foulée, on va rentrer un petit redeem, hein, tu connais. Un petit mot aussi sur l'avenir, évidemment. Il y a l'album. Il y a aussi des gens que vous produisez, des gens que vous mettez en avant aussi dans les mois à venir. Oui, en ce moment aussi, on produit un petit peu de. Voilà, on essaye de produire un peu des jeunes. En l'occurrence, je travaille sur un groupe aussi qui s'appelle Rêvant HD, dont je t'avais envoyé le EP qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc on verra si on peut s'écouter un extrait tout à l'heure. Et puis voilà, il y a pas mal de choses en perspective. On est au laboratoire, Jackie s'occupe d'un jeune aussi, on est au laboratoire, mais voilà, on travaille et tu sais que nous on a toujours aimé tout ce qui est production et mettre en lumière les jeunes talents, leur donner la chance de pouvoir s'exprimer. Il y avait le label Première Classe voilà, aussi. Sortir leur projet voilà, à travers Première Classe notamment. Donc voilà, on continue ce travail, on n'arrête pas, on a nos studios qui tournent H24. Il y a Purple Star aussi qui a sorti sa mixtape d'ailleurs, parce que tout le monde se demande qui est ce monsieur sur Fast Food Music. Pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller télécharger. J'ai la mixtape de Purple Star qui s'appelle Rue Zion. Voilà. Donc, ce serait bien même qu'on joue un sommet. Ah, peut-être dans un instant. Ouais, il y a Faya aussi qui a sorti aussi un single là il y a pas longtemps. Donc ce serait bien aussi qu'on joue ça. Donc il y a plein de trucs, hein, Fred, je crois. Je sais. On va s'accaparer encore un petit 15-20 minutes, je crois. On est là, calmement. On peut dépasser, tranquille, tout va bien. On va tranquille. Les Neg Marron sont là, on va en profiter aussi. De toute façon, nous, il y a le jet qui nous attend après en fil, tu connais. Direction Nancy ce soir. Il y a d'autres dates d'ailleurs à annoncer ou pas pour retrouver les Neg Marron? Plein de dates, mais il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que là on les a pas toutes en tête. Ce qui va arriver prochainement, je sais qu'on sera du côté du salon What the Fork là, qui va se passer du côté de la porte de la Villette. On sera là-bas. Après on a des dates fin avril, début mai. On va partir aussi du côté du Havre. Tu connais tout ce qui est date là, c'est compliqué pour être précis, mais en tout cas suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et après, ce qui va être sûr, c'est que à partir du mois de septembre, il y a une grosse tournée qui va se mettre en place, qui est déjà en train de se monter. Et donc vous allez pouvoir nous retrouver sur la route. Et bah suivez les Neg Marron et on repart pour une nouvelle session. Allez, c'est parti. Si l'Ordissa est prêt. Good music, l'Ordissa, are you ready? Hey, c'est la nocturne, on est là avec Monsieur Fred. Et c'est sur Skyrock, c'est les Neg Marron, c'est Jackie Brown et Benji. N'oublie pas, c'est Fast Food Music. Le clip, tu peux aller le théma sur YouTube, sur la chaîne des Neg Marron. Hey, va théma ça, c'est que du lourd, c'est les brand new, que des nouveautés, exclusivité. Et l'Ordissa, c'est le mix. Roulez! Ça, c'est Monsieur Purple Star, justement. Extrait de sa mixtape, Rizayon. J'ai ce putain de flow qui veut pas sortir de mon crâne. J'ai la dope qu'il te faut, celle qui va te faire mal au crâne. Hip hop c'est mon crack, j'm'en fous si j'choque ou si j'crache. J'suis un crash, dis ce qui est vrai et j'm'en mords sous tout le crâne. T'as ce putain de flow qui veut pas sortir de mon crâne. J'ai la merde qu'il te faut, celle qui va péter ton crâne. Comme un gangster qui demande où est ma main. Ouais, j'ai ce putain de flow qui veut pas sortir ton crâne. Si j'avais la gueule chargée au truc, il vient plonger comme une balle. Ouais, négro, j'ai pas besoin de haka. Comme un old black, chante le haka. Je vais cuisiner comme un KH. Après t'avoir calpé comme un arpache. Réduit la tête comme un joueur. J'kiffe le dirty sauce. Autant qu'un bon son is à la jet dealer. Même Ben Carson peut rien pour mon cerveau. Dealer, ce qu'il faut pour mes neurones, c'est un bon dealer. Et mon ange met des trocus. Ce mélange peur me coucher, Angel Dust. Ils veulent que je change car j'suis trop dust. Ma bouche crache des éclairs comme si j'étais Zeus. J'vois pas du Michel-Ange, prends un petit coup de bluff. Tu veux que j'me couche alors j'ai une canne flush. Pas question que j'me rende. Tant que dans le vent j'en ai à vendre. Ouais, tant que j'en ai à vendre. J'sais pas si tu comprends ma langue. Mais j'ai ce putain de flow qui veut pas sortir de mon crâne. J'ai la dope qu'il te faut, celle qui va te faire mal au crâne. Le hip-hop c'est mon crack, j'm'en fous si j'chope ou si j'crache. Tu es un crack, j'dis ce qui est vrai et j'm'en mords si tout le crâne. T'as ce putain de flow qui veut pas sortir de ton crâne. J'ai la merde qu'il te pose, celle qui va péter ton crâne. Comme un gangster qui demande où est ma main. Où est ma main. Où est la main. Ouais, j'ai la bonne cam comme Franck. Lucas, il me faut la main comme George. Lucas, j'fais du rap pour les orcas. So fresh, so clean comme Marcus. Tellement tu t'écrois, Panama plein défilé. Mais comment tu sais péné, on va pas se défiler. C'est mal le plan et c'est pas besoin de le dessiner. C'est fait du son lourd pour tous le décimer. Ce soit les phases ou les phrases, j'manie. Mais j'ai toujours cette sale manie de faire des zigzags comme Taz, le diable de Taz, manie. Trop trap city, afternoon. À la juge, regardez les loonies. La génération auto-tune. En Kaiba, sauf le tune. Pas si mal à salon, pas ni à peine en seule seconde. Distributeur des bonnes ondes. Et même si j'en succombe, il n'est pas question que je me rende. Dans le vent, j'en ai à fond. Ouais, tant que j'en ai à fond. Je sais pas si tu comprends. J'ai ce putain de flow qui veut pas sortir. La loupe qu'il te pose, celle qui va te faire mal au crâne. Hip hop, c'est mon crack. Je m'en fous si chaud ou si je crache. Tu craches, dis ce qui est vrai. Du projet Rusayon en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Va te pécho le projet, c'est du lourd. Ok. On enchaîne avec le groupe qui monte, Révan HD. Écoute ça bien, le EP dans les bacs. En téléchargement sur toutes les plateformes légales. Kali et Tony, c'est pour vous. Revan HD. Bang bang bang, pas de gun, que du flow, ding ding ding. Sur les propos de Charlie Hebdo, ouais tu rappes bien, mais tes sons c'est pas encore ça. T'es comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. Le bonheur c'est la paix. Entre les cuisses des femmes, on s'oublie, on se perd. Je lutte contre la haine, même si parfois elle me plaît. Obligé d'admettre qu'elle est parfois nécessaire. Je suis ce que ce pays a fait de moi. Un type qui craint les fins de moi. Je rappe quand mon cerveau crie famine. Je dépense de l'argent que je n'ai pas. T'entends HD, grâce à Dieu déjà sur les ondes. Pour moi le rap c'est aussi simple que de gérer une blonde. Je fais ce que j'ai à faire, qu'elle t'en pose aussi. Dis-moi qui peut faire mieux, non impossible. Je suis ce que ce pays a fait de moi. Un type qui craint les fins de moi. Je rappe quand mon cerveau crie famine. Je dépense de l'argent que je n'ai pas. Je suis ce que ce pays a fait de moi. Un type qui craint les fins de moi. Je rappe quand mon cerveau crie famine. Je dépense de l'argent que je n'ai pas. Bang bang bang, pas de gun, que du flow. Bang bang bang, peu de vrai, trop de faux. Ouais tu rappes bien, mais tes sons c'est pas encore ça. Comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. Bang bang bang, pas de gun, que du flow. Bang bang bang, peu de vrai, trop de faux. Ouais tu rappes bien, mais tes sons c'est pas encore ça. Comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. Bang bang bang, pas de gun, que du flow dans le rap game. Peu de vrai, trop de faux. Les négros ont la bouche collée à des pubis. Mes mots sont des images gravées dans ton iris. Vendre des scuds comme des kilos, des kilos, des kilos. La team de merde, je vais la killer, la killer, la killer. Je veux plein de billets verts en liasse à liquider. On prend le mauvais chemin, personne pour nous guider. Je me dis j'arrête, mais je te jure, je les baise. Je persévère car je me dis faut qu'on pèse. Rime flingué, ces tocards sont trop gaises. Je mets du seum dans mes sons, dans mes 16 ans. Remplir mon compte, adoucir ma peine. Conduire un truc fat, Porsche Cayenne. Les rats, je bave trop quand je suis sur scène, tu sais moi la bite car on parle pas la bouche pleine. Je suis ce que ce pays a fait de moi. Un type qui craint les fins de moi. En direct de la nocturne, Revan HD, production PC. Je suis ce que ce pays a fait de moi. Un type qui craint les fins de moi. Je rappe quand mon cerveau crie famine. Je dépense de que du flow, bang bang bang. Peu de vrai, trop de faux. Ouais tu rappes bien, mais tes sons c'est pas encore ça. Comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. Bang bang bang, pas de gueule, que du flow, bang bang bang. Peu de vrai, trop le de faux. Le P Azerty est déjà disponible. Revan HD. Comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. Bang bang, pas de gueule, que du flow, bang bang bang. Peu de vrai, trop de faux. Ouais tu rappes bien, mais tes sons c'est pas encore ça. Comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. Bang bang bang, pas de gueule, que du flow, bang bang bang. Peu de vrai, trop de faux. Ouais tu rappes bien, mais tes sons c'est pas encore ça. T'es comme une meuf qui baisse bien, mais avec qui on se pose pas. T'entends pas ou quoi? La nocturne, live and direct. Spécial Jackie Blanc et Benji, les deux Nec Marron. N'oubliez pas le fast food music, c'est le brand new. Il est là dans les bacs. Hey, vous pouvez aller mettre mater le clip, que du lourd. Larissa, roulez. C'est la nocturne. Non, je vais rouler à la place de l'orchestre. Tu m'en veux pas, Jackie. Je vais rouler à la place de l'orchestre. Non, j'étais dans mon délire. Je voyais pas ce qui se passait, mais il y avait des communications. J'ai vu des grands gestes derrière. Je me suis dit, ok, la nocturne avec l'Énigme Marron. On rappelle deux, trois choses importantes. L'Énigme Marron, un nouvel album. Ce sera pour octobre 2015. Exactement. L'album s'appelle Valeurs Sûres. Et voilà. Et le premier extrait officiel est arrivé cette semaine. Fast Food Music. Fast Food Music. Voilà, un titre qui est disponible, offert par l'Énigme Marron en téléchargement libre sur la plateforme www.negmarron.com. Donc voilà, c'est un cadeau qu'on fait pour tous les gens qui nous suivent, tous nos supporters, tous ceux qui ont attendu toutes ces longues années avant de avoir ce projet, avant de voir ce projet arriver. Donc voilà. Faudra qu'ils patientent encore quelques mois, mais voilà, en tout cas, comme disent mes frères Kamer, hein, on est dans l'eau. Maintenant, faut nager. Donc on va nager, quoi. Eh ben, ça va nager même sévère. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu 5 ans d'absence depuis le précédent album. Mais vous n'avez jamais arrêté non plus de tourner. Il y a toujours eu des choses qui se sont passées pour. C'est vrai que chaque année, on enchaîne toujours une petite tournée d'au moins 30-40 dates. Mmh. Mais là, ça fait quand même bien 6-8 mois qu'on a vraiment tout mis en stand-by pour se concentrer sur la fin de ce projet, sur la fin de cet album. Donc là, on va repartir sur les routes, je pense, à partir de tout à l'heure déjà. Direction Nancy, les caves, là, c'est pas très loin. Donc, direction les caves de Nancy. Et exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot? Parce que quand vous étiez venu au mois de janvier avec Lino pour son album, on avait peut-être évoqué un retour de Secteur A sur scène. Est-ce que là-dessus, vous avez avancé ou c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt pour donner une période ou une date. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que bon, déjà, il faut venir au concert de Lino le 15 avril. Mercredi, du côté de la Cigale, bien sûr, on sera là. Voilà, donc on sera là en soutien comme d'habitude. Et puis, on travaille sur pas mal de projets. Hier encore, j'étais en studio avec Passy. On va pas en dire trop, mais bon. Il y a des choses. Voilà, il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Donc sur scène peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Pas les années, mais enfin je dis ça, mais ça passe tellement vite à la fois. Ça va vite, hein. Ouais, c'est vrai. Tu les as vu défiler là, le bilan? Tu les as vu défiler ou pas, Jackie? Non, franchement, c'est vrai que bon, après il y a tout le côté musical, mais après c'est vrai que nous aussi on s'est un peu mis en stand-by pour on a pris aussi du temps pour nous, tu vois, tout le côté familial aussi, c'est vrai que c'est important. Et des fois t'es obligé de faire une petite pause au niveau de la musique pour te concentrer sur toi et tes proches, mais c'est vrai que nous on reste des passionnés, donc voilà, dès qu'il s'agit de se retrouver en famille, en studio, échanger, partager, nous c'est vraiment cette notion et cette valeur qu'on a de la musique, quoi, le partage et l'échange. C'est pour ça qu'on fait différents projets, même les supporters ils s'y perdent, quoi, entre Bissot, entre l'AMC, entre Negmaro, Noyau entre dur. Première Classe, entre Noyau Dur, entre Secteur A, mais nous c'est dans ce truc là qu'on a grandi, qu'on a baigné, et c'est ce qu'on continuera de faire. Donc ouais bientôt un album Secteur A, on sait pas pour quand, mais en tout cas on en parle, donc tant qu'on en parle, c'est que c'est bon, tu vois, c'est bon signe. Est-ce que l'Ordissa est prêt? L'Ordissa est prêt, il est prêt, et ben on peut retourner. Et là c'est encore le frérot, là c'est Faya Dingue. Et là, on va partir pour les dernières 10 minutes, alors restez branchés. C'est le frérot Faya Dingue, c'est son nouveau single qui est dans les bacs. Hey, casse-gueule, le morceau, c'est Faya Dingue. Hey, pour toutes les girly, tu veux whiner? C'est maintenant. Roulez! Mets ton battle rider, mets tes galons, je serai ton soldat. Blow. Je sais que t'es wicked in a bed. Dans ton lit, les faibles sont des diables. Tu vas danser pour moi. In your shit, tout ça y a fibonacci. Everyday woman all night long. Call me my sugar, my candy, my ansa. Woman needs a special. J'en mets le feu, la ganja. Prépare tes classiques, bout you bout du sizzle. Gimme. Turn the feu light down, me wicked like never. Me a superman, sorry for your mother. Elles veulent du bogle, elles aiment le bogle. Quand il est love, love, love. Woman, tu danses le bogle. Shake your bubble, you make my night, I feel airy. Elles veulent du bogle, elles aiment le bogle. Quand il est love, love, love. Woman, tu danses le bogle. Et une spéciale pour escroquer dans la maison, t'entends pas ou quoi? So nice, give me slow wine. Candle in your bedroom, everything right. So nice, give me slow wine. Give me slow wine. Boom, You're my queen, I'm the king in your jungle. You put the pressure higher when you shake your bubble. Zion way, you make my night, I feel irate. Zion way, love is all we need. All my time, fire them, be good. I love you bad, you love me bad. Boom in at the place, fire, love you bad. Une spéciale pour Dr Newman. Rejojo, t'es à l'écoute ou quoi? You make my night, I feel like rah. Elle veut du bogle, elle aime le bogle. Quand il est love, love, love, oh woman, tu danses le bogle. Shake your bubble, you make my night, I feel like rah. Et là on enchaîne avec ma main, c'est Benji et Monsieur Pompis. Extrait du Dance Hall 50. T'as un bon quoi? J'en ai plein pour survivre. One life, don't fun. Pensez yeah. Tout s'achète, tout se vend, yeah, yeah. Tout se paye, on veut plus de billets. Que du cash money. Le million. Aïe! Cash money, pour de bon. Alors, dis ça de moi, pour les tocs sur 100 ans. Mais 5 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'il le faudra. Mais t'entends pas ou quoi? C'est signé Pompi, c'est Benji. Le projet, c'est Dancehall, c'est 4. Tout ça aussi, c'est déjà dans les bacs et dans les blocs. Et il faut laisser le pécho, se le procurer. C'est Pompi. Y'a que du lourd chez nous, le conteneur il est chargé. Eh hey, la Caraïbe, t'es à l'écoute ou quoi? L'Afrique, t'es à l'écoute ou quoi? Écoute! Tout s'achète, tout se vend, yeah, yeah. Tout se paye, on veut plus de billets. Rien! Cash money, le million. Cash money, pour de bon. Cash money, pour mon bif, pour Benji. Faut des liens, faut du cash money. Ouais, mais c'est cash money. Pas le cash money. Si tu remplis les poches, tu vas sourire comme un japonais. Des millions stylés. Appelle-moi Benji Vince comme les faucons blindés. Ghetto youth rêve de devenir riche comme Crésus. Vida Loca, Mercedes, Benz ou Lexus. En mode bling bling, comme les gros s'enrichit. Toujours l'alias bien au chaud dans une sacoche Gucci. Yes. Tu reconnais les boss à l'horizon. Et qui elle aime le cash, faut pas se faire d'illusions. Mon money mondial et l'argent remignon. Elles veulent celui qui ne compte pas, celui qui paye l'addition. Attends pas ou quoi? Cash money. Cash money. On enchaîne avec le noyau dur. Ce soir tout est permis. C'est noyau dur dans la danse. Viens enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du gros sang et d'ambiance. Viens. Bougez dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Viens. Pas d'interdit. Viens. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du gros sang et d'ambiance. Viens. Bougez dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Viens. Pas d'interdit. Ce soir tout est permis. Donc vas-y on peut y aller. Que des VIP donc personne n'est recalé. Ça joue plus à l'entrée à l'intérieur ça déchaîne tout le monde. Clap clap clap. C'est le clap clap clap. C'est le clap clap clap. C'est le clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap. C'est le dance le phénomène. Écoute. Ça bouge, ça danse dans la boîte ça transpire. Vas-y secoue ton boule mais fais nous plaisir dans nous la nouvelle danse, nouveau style. Et comme tout est permis y a pas d'attitude hostile. J'apprécie Bacardi Pit. D'ici je sens que tu recherches une ambiance sexy. Je suis les talons pour une chevauchée avec une créature bombée de partout. Tu graisses dans le style. Donne-moi tout ce que t'as. Sois pas égoïste avec ta combo. Y'a de quoi me rassasier pendant des piges. Tout est permis c'est dit. Avant les interdits. T'es en feu allume la mèche dans mon corps dynamite. Viens enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du gros sang et d'ambiance. Viens. Bougez dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Tout le monde est prêt, qu'on fait voyer dans ma villa. Miss n'est crainte, il met la scarf. On a ou la ex, ça se bouscule. Toutes nos excuses, c'est pas la gala. Laisse-toi guider par l'ambiance. C'est hiver, tout est permis. Nouvelle tendance. Faut se lâcher, danse, danse. Toute la soirée, danse, danse. Même chulé, danse, danse. Qu'on est serré. Réduis la distance, reste bien collé. On est hal, l'ambiance, j'suis plus rigolé. On va couper, tout décaler. Nique la ville de France, avec nous reste pas isolé. Toi bien la bouteille, on va pousser les watts. Le bien noyau pour les rouler, on pousse les boîtes. Viens défouler ton cul, faut le décoller. Ton bras, ramène ta gueule ici, on va pousser le mouette. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du gros sang et d'ambiance. Viens. Bougez dans tous les sens. Viens. Tout est permis. Viens. Pas d'interdit. Viens. Enflammer la piste de danse. Viens. Y'a du gros sang et d'ambiance. Viens. Ok. Donc je dors tous les sens. Faut que permet, yeah. Pas d'interdit. Viens, je t'en coule son tas. T'es le sol contact. Tiens, t'as mis le feu dans le bac. Y'a le maxi pour qui veut du groove. Noyau rentre dans le tas. Partout où on se trouve, on maxi. L'instrumental assassin. Les corps s'entremêlent. Accord, allume la sex machine. Les talons et femelles gigotent. Si ça déracine, lève la main. Et le selecta, on peut bigot. Hey, si t'es ready, viens danser. Tout est permis pour une sacrée soirée. Pour tout mon secteur, une spéciale pour mon noyau dur. T'entends pas ou quoi? Viens, viens. Noyau dur. Yeah, en direct de la nocturne, une spéciale pour Fred. Yeah, on vous a mis une heure et quart de vibes Meg Marron. Que du bon son, que du remember. Mais le meilleur reste à venir. Alors on a ouvert le bal avec Fast Food Music. Eh ben, on va finir avec les bonnes choses. On va finir avec Fast Food Music, le nouvel extrait, le nouveau titre des Neg Marron. Et on va faire ça en live pour tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous les supporters. Papa Stal est là, Benji est là, toute la famille est là, moi-même Jackie Brown. Là on dit ça, are you ready? Let's go! Ok, roulez! Hey, on entend trop de fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic-clic, boum dans leur face. Boum, on tire dans le tas. Boum, si c'est leur meilleur niveau, nous on valide pas. Fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic-clic, boum dans leur face. Boum, on tire dans le tas. Boum, si c'est leur meilleur niveau, nous on valide pas. Hey, version la nocturne. Écoute celle-ci. Why? Hey! Que des mauvaises mouches, que des balles prennent sa touche. Que des titulaires se mettent sur le terrain et des autres sur la touche. Jacques, ra. Je reviens les dégos, mais font de la musique bizarre. Non, faut pas déconner, plus j'essaye de savoir pourquoi. Et moi je les comprends, plus j'essaye d'écouter ce qu'ils font. Et moi je les entends, leurs punchlines sont débiles, stériles et puériles. Le niveau est super, pourtant pense tous avoir du style. Alors à qui la faute, ils font de la fast food music. Quelles sont ces maisons de disques qui signent des artistes sur les clics? Est pathétique, mais où est passé l'artistique? L'industrie est en chute libre, d'après les statistiques. Leur son est si vilain que parfois ils m'effraient. Leur cachet maximum équivaut à mes notes. Veulent tous faire des albums, mais la plupart ne sont pas prêts. Veulent tous jouer les gangsters, mais la plupart ne sont pas vrais. On entend trop de fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum dans leur face. Pour mentir dans le tas, boum si c'est leur meilleur niveau. Nous on valide pas. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum dans leur face. Boum, on tire dans le tas. Boum, si c'est leur meilleur niveau, nous on valide. Laissez-moi vous introduire Monsieur Benji. Mais c'est, let's go. Mais c'est, hey, ils veulent la notoriété. Ils veulent le succès. Ils veulent faire de la monnaie. Ils veulent des trophées. T'en demandes tant, mais tu ne casses pas des briques. Défonce-toi au Viagra devant le mic. T'as pas la trique. Pa pa pa pa pa. Pas la, pas la, pas la peine de mentir au peuple. T'es pas dans le game, t'as pas la game. Et laissez-moi Laissez-moi vous introduire maintenant Monsieur Purple Star. Faudrait que je m'acclimate, mais je viens bouleverser le climat. Car j'ai des hacks, j'espère que t'as mis ta combinaison asthmat. Purple Star à la Purple Asthmat. Comment je soigne les asthmatiques? T'auras beau crier, allez. Comme disent mes négros, les nègres marrons, je vais te brûler comme du shit et fumer comme un spliff de zèbre. Trop de fast food music. T'es qu'une tâche et tu veux crash, mais je t'en fous un clash en première classe. Tu vois une chiotte pour nous en texte, mais nous en l'image, j'ai dit ma nex. Ça fait que c'est salaud pour ma genre. Moi qui fais un signe du majet. Avant ma servie de l'index. Bon, ouais! Trop fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum, dans leur face. Pour mentir dans le tas. Bon, si c'est leur meilleur niveau, nous on valide pas. Fast food music. Alors on envoie un classique. Ça fait clic clic, boum, dans leur face. Pour mentir dans le tas. Bon, si c'est leur meilleur niveau, nous on valide pas. Eh ben voilà en live pour conclure cette grosse nocturne avec les nègres marrons. Purple Star était aussi au micro sur le fast food music. Merci à vous en tout cas messieurs. Yes. Merci à toi Fred. Grand plaisir de vous recevoir comme d'hab. Merci à Fred et puis t'as vu toujours, tu réponds toujours présent. Donc voilà, big up à toi, big up à la nocturne et donc ça fait toujours plaisir. Merci. Eh ben merci à vous. On vous laisse filer direction les caves de Nancy maintenant. Hein. Yes. Yeah. Les gens vous attendent, les gens sont chauds là-bas. Ouais, on trace, en plus là on est chaud bouillant et apparemment on a reçu des coups de fil là-bas aussi, ils sont chaud bouillants donc ils risquent d'avoir l'éclipse là-bas. Direction Nancy, merci au Negmaron. On rappelle que sur le site Negmaron il y a le titre Fast Food Music justement. Voilà, le clip Fast Food Music qui est sorti sur la chaîne YouTube et puis sans oublier un téléchargement libre. Vous pouvez prendre le morceau Fast Food Music qui vous est offert par les Negmaron pour la sortie de ce 5e album. C'est attention cadeau. C'est cadeau pendant 5 jours, donc faites vite. Merci à vous les Negmaron, merci à Negmaron.com, n'oubliez pas sur Negmaron.com. Yeah. Purple Star qui était là avec nous, Lordi ça a été au platine et puis toute l'équipe, il y avait Fax, il y avait Fayade qui était dans le coin aussi. Esco est là, une spéciale pour Alexis au maximum qui fait le boulot, une spéciale pour Neta, H24, Warif, Karim, voilà toute la famille, mon F5, Garcharcel, ça bouge pas à la vie, à la mort. Merci à vous les gars. Merci Fred. Allez, direction Nancy pour les Negmaron et puis au mois d'octobre pour la sortie de l'album. À pas louper, on aura l'occasion d'en reparler. Passez une bonne nuit, rap R&B en non-stop, c'est reparti, ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.